احترمناش ما نحترموش هكذا، واللي ما يحبناش واللي ما يقدرناش واللي ما يتبعناش واللي يتيري علينا واللي يحقرنا ونعلبوا اللي ما يحبناش. باب الواد كينغستون حلا كي الزيتون تبان من بعيد بلا قيطون. تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الأنترنت. Allo allo, salam alaikum ya ahl salam, marhaba bikoum. Vous êtes à l'écoute de Radio Chicha. Sahara 58 daqa'iq bitouqit al-Jazair, 95 daqa'iq bitouqit Faransa. Nas li raoum yismaou fina en direct donc à partir de la France. Marhaba bikoum khawti, comme tous les samedis soirs, on fait notre émission en direct avec vous, avec les auditeurs qui essaient déjà d'appeler. Je dois quand même faire ma petite introduction. Production, chers amis, deux secondes. Sinon, مرحبا بكم صحاف طوركم. Je suis désolé d'arriver comme ça à cette heure-ci, à 20h, c'est وقت الفطور في البلاد. بصحتكم صحاف طوركم صحا مداركم ربي يقبل إن شاء الله. Et donc, je ne voulais pas modifier les horaires de l'émission pour garder toujours la même heure. Donc, مرحبا بكم. Vous pouvez nous écouter en mettant votre ordinateur sur Radio Chicha et puis تقدروا تفطروا بصحتكم. سينو احنا هنايا في باريس مازالنا 50 دقيقة حوالي، دونك مازال شوية. Sinon, je reviens ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée, agréable moment sur Radio Chicha. Je reviens pour vous parler je vous présente le sujet. L'Yom, j'ai fixé trois sujets, mais ce sont des sujets d'actualité. L'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Donc, c'est l'actualité. Si vous voulez intervenir, Khawti, sur Radio Chicha en direct, تقدروا تعيطوا لنا عبر سكايب en appelant حشيشة دي زد، حشيشة دي زد، H C H I C H A D Z tout attaché pour participer en direct à notre émission. Le sujet, qu'est-ce qui se passe en Égypte, qu'est-ce qui se passe en Tunisie, vous avez tout suivi, de toute façon j'y reviendrai dans un petit moment, et qu'est-ce qui se passe en Algérie, votre avis nous intéresse. On va prendre un premier appel, ensuite on reviendra au détail. Allô, salam alaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Wa marhaban bika khoya. Del Momo. Ah d'accord, ah, maintenant je vois en tête les vidéos. Là là là. Exactement. Oui. Ah ouais, مرحبا بك خويا. Merci beaucoup pour l'appel. En fait, اليوم sujet, comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, c'est les événements en Égypte. On a vu ce qui s'est passé, mais sinon il y a aussi une actualité assez importante في تونس مع الارتيالات هذه الارتيالات السياسية. Et puis je voulais aussi qu'on parle un petit peu à l'Algérie ou شرا صاير في الجزائر. Mais je te laisse intervenir نتايا اختار السوجي تاعك ولا كيما حبيت. On t'écoute. Je te remercie beaucoup déjà d'ouvrir ce créneau. J'ai un petit peu suivi ton activité sur YouTube et je constate que c'est un créneau qui est ouvert à tout le monde, mm-hmm. même ceux qui sont contre le concept et tout. Mm-hmm. Et là, c'est une leçon de démocratie que tu es en train de donner à tout le monde. Ah, t'es que ça, Khoya Mohamed. Je pense que l'événement majeur reste ce qui est en train de se passer en Égypte. Et tout homme libre sur cette terre tout entière, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son ethnie, sa religion, sa nationalité, devrait se sentir égyptien en ce moment. Presque. Mm. L'Égypte est en train de donner une leçon de civisme au monde entier. Nous voir pratiquement toutes les exactions qui sont en train d'être commises. Et Steve Zazet, les djeiches, tous les manifestants l'IHA, et malgré ça, ils se maintiennent, malgré ça, ils acceptent leur sort, malgré ça, ils acceptent de mourir digne ou de vivre digne. Mmh. Et ça, c'est, ils ont réellement compris l'esprit même de la dignité l'esprit même de l'honneur. Parce que choisir de mourir pour sa patrie, c'est aussi ne pas accepter à prendre les armes, à lutter pour qu'un droit soit, devienne effectif. Et là, je dirais que nous sommes tous focalisés sur l'expérience égyptienne parce que cette expérience, si elle marche, ça sera une motivation pour l'ensemble des peuples arabes. L'Égypte n'est pas n'importe quel pays dans le monde arabe, dans le monde islamique surtout. يعني كانت واحد المقولة بكري يقول لك يا داخل مصر منك ألو elle est en train de reprendre cette position et je pense que nous en Algérie plus que plus qu'ailleurs l'expérience égyptienne les mutabbilines ou les muzammirines de Nidam ils ont toujours joué des hymnes sur cette corde. Donc ça a été la Tunisie, ça a été la Syrie, ça a été et maintenant c'est l'Égypte. Et si jamais une violence déclare, ça serait pratiquement comment dire tuer le fœtus avant naissance. Ça serait carrément leur donner raison comme quoi tous les peuples arabes n'ont pas atteint le degré de civisme nécessaire pour pouvoir lutter contre une situation d'injustice, contre une situation de corruption, contre une situation de hugra qui dépasse toute considération. C'est pas, c'est, à ton avis, c'est pas un petit peu le message que ceux qui ont fait le coup d'État, le message d'Aoum, c'est justement ça, c'est-à-dire la démocratie est impossible dans les pays Tawana, et voilà, regardez ce qui se passe en Égypte, regardez ce qui se passe en Tunisie, donc c'est pas possible la démocratie, restez avec la dictature, elle s'occupe de vous, elle s'occupe de vous bien, selon certains. Est-ce que c'est pas ça le message à ton avis? Tu vois, à mon sens, c'est-à-dire que la démocratie est taillée à leur guise. La démocratie, c'est un pantalon qu'ils mettent, eux, à condition qu'il soit à leur mesure. Si jamais elle ne leur convient pas, cette pseudo-intelligentsia, qui est soi-disant constituée par l'ensemble des intellos, mais à partir du moment où le peuple a choisi en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à un peuple qui a opté pour un aspect de son identité et qui n'est pas des moindres? Il faut aussi savoir reconnaître ça. Maintenant, on ne dit pas que ceux qui prennent le concept islamique, c'est des anges. Au contraire, on voit que les frères musulmans, ils ont fait des erreurs. Mais est-ce que ceci peut à tout prix adjoindre le droit à quelqu'un de se constituer en tuteur, encore une fois, pour décider à sa place et dire ce qui convient et ce qui ne convient pas. Si il y a eu lutte, c'est que le peuple, il a compris que maintenant, il est temps à ce qu'il reprenne les rênes du pouvoir entre ses mains et qu'il décide. S'il a décidé de mettre Morsi à la place du président, s'il y a une décision qui doit émaner, ça doit émaner de sa part. Et il y a une seule voix qui permettent de décider justement de la voix du peuple. C'est la voix des urnes. Il n'y a pas autre chose. Que un général vient s'immiscer, que je ne sais pas moi, une pseudo-classe qui se croit au-dessus du simple des communs des mortels, et qui leur a donné ce droit. Et c'est ça ce qui est en train maintenant d'exprimer le peuple égyptien. C'est cette voix-là qu'il est en train d'exprimer. Et on voit qu'ils ont essayé justement d'induire tout le monde vers la bipolarisation dans le sens où qu'il y a ikhwa ou qu'il y a ikhwa. Alors qu'on voit que les manifestants, c'est le peuple égyptien. C'est la voix égyptienne qui parle. Ça n'a rien à voir. C'est sorti du cadre de ikhwana ou machi ikhwana. C'est le peuple égyptien qui a compris que maintenant, Ram, il s'adro, il hukouk n'ta'a, bism, le hifad à la démocratie, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et tu, je sais pas, tu sais où la chef les informations ta waqila اليوم ou l'albarh, non اليوم le ministre de l'intérieur ta l'Égypte قال بلي parce que l'askar ou le baltajia دخلوا في المعتصمين et ضربوهم et il y a eu beaucoup de morts, des dizaines de morts constatés par les journalistes étrangers etc. Mais عندك le ministre de l'intérieur égyptien, Galik Bli, c'est la faute des islamistes. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Écoute, un ministre qui lui-même a été imposé et qui est en train, en fin de compte, de défendre ses propres exactions. Quand on parle du ministre de l'intérieur, ça veut dire le ministère de l'intérieur en Égypte, c'est devenu le ministère des Baltagia, sans plus. Quand on voit que les gens qui était là d'une manière tout ce qu'il y a de paisible et était en train de défendre un droit qui était sorti où il l'imchèw il trebbèw puis mesjid ou meselkouch. Ils ont été attaqués dans une mosquée, yani même la sacralité du lieu saint ne représente absolument rien aux yeux de ces, alors ne parlons même pas de la sacralité du corps, de la sacralité de l'âme, etc. Ces gens là sont capables, il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer au niveau des masses médias égyptiens. Tous les masses médias qui représentaient un semblant de position, ils ont été fermés. De quelle démocratie on est en train de parler? Alors que les gens ont lutté pour la liberté d'expression. Quand on peut traiter par exemple l'Ikhwan ou Mohamed Moussi de ce qu'on veut, mais même ses propres détracteurs, il n'a jamais fermé une chaîne. Il n'a jamais, Amrah Mahbis, il a pris une décision à Kata'a Soufia. Au contraire, s'il y avait des dépassements, au même titre que n'importe quel citoyen, il se dirigeait vers quoi? Vers la justice. Ouais. Vers la justice. Sans plus. Yani, c'est une leçon qu'il a donnée et ils ne peuvent en aucun cas, mais ils disent gauche, Shams Bel Ghorbel. De toutes les façons, c'est bien parti. Yani, plus dans leur concept, ils sont acquis à cette vision qui dit que plus le mensonge est grand, plus on est appelé à le croire. Alors que non. Maintenant, c'est bon. Ces gens-là, le tarikh n'ta'hom yishhad 'alayhom b'ayoun kol masri. Hatta li rahom yisandouhom ya'arfouhom très très bien, ou rahom 'arfin 'alash rahom yisandouhom. C'est parce que tout bonnement et tout simplement, à travers ces 30 ans, il y a eu une classe qui s'est formée et cette classe, c'était une classe de privilégiés. Et maintenant, on est venu les remettre à leur vraie place pour leur dire que vous n'êtes pas des privilégiés. Vous êtes des citoyens au même titre que tout le monde. Et donc, qu'ils se révoltent, qu'ils essayent de monter. Et en plus, ils ont les moyens. Il faut dire qu'ils ont spolié ce peuple pendant 30 ans. Yani, en fin de compte, même les moyens qu'ils sont en train d'utiliser, c'est le vol qu'ils ont accompli pendant ces 30 ans. Plus à rajouter à cela, à mon avis, d'après ce qu'on a observé, faut rajouter à cela les amouals qui viennent de l'Arabie Saoudia, de l'Émirat et probablement des États-Unis, en fait, qui ont fait un blocus sur l'Égypte depuis plusieurs mois et qui ont envoyé des milliards de dollars depuis que il y a eu le coup d'État. Donc, effectivement, ils ont les moyens. C'est clair. Tous ces pays dont on est en train de parler, quand on parle de l'Arabie Saoudite, quand on parle, moi je vis aux Émirats, je peux vous dire que, on peut le traiter de tous les noms, sauf de démocrates. Ces autocraties déclarées et qui défendent justement les systèmes autocratiques, il n'y a qu'à voir El Fouloul qui harbe au Masr ou harbe. Zine Al-Abidine Ben Ali qui harbe en Tunis ou harbe. Yani, ces états-là ne reconnaissent pas, en aucun cas, ils ne reconnaissent le droit à l'expression du peuple, le droit à l'exercice du peuple. Non, c'est des familles qui ont l'hégémonie de tout, l'hégémonie du business, l'hégémonie des affaires, l'hégémonie de l'argent, tout. Ils ont tout entre leurs mains et si jamais allez, je vous dis que l'expérience égyptienne est une expérience pilote qui soit va endiguer tous les peuples arabes vers comment dire, la clarté du jour. Sinon, si ça échoue, ça va nous faire sombrer de plus en plus. Parce que ça va être, comment dire, l'alibi parfait. Qui m'a donné à la Syrie l'alibi parfait. L'Italie a dit quoi, je vais le blâter ou l'équipe Syrie. C'est ma honte, tu peux choisir entre la peste et le choléra. Soit que tu dois choisir cette dictature, te taire, l'accepter, et tu te mets à te cueillir d'un ouélique. Sinon, ça va devenir comme la Syrie. Voilà. Il n'y a pas une troisième solution. Eh bien, maintenant, l'Égypte, elle est en train de nous offrir la troisième solution. Et on a vu, toujours à propos de ce cas égyptien, on se dirige très probablement vers un état d'urgence, puisque l'armée, elle s'est mise yani, dans la logique, elle dit que j'interviens pour établir l'ordre, et puis ils disent qu'il y a un danger imminent, subitement il y a un gros danger de terrorisme sur l'Égypte, donc c'est la solution sécuritaire, et on dit que c'est une question d'heure, ils vont mettre en place l'état d'urgence. À ton avis, ça va vers où, Masr? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va s'endurcir? Est-ce que la suite à l'algérienne va se produire en Égypte comme elle s'est produite en Algérie, à ton avis? L'Algérie, le malheur a fait que nous avons vécu notre expérience, nous, pas dans les mêmes conditions de température et de pression, j'allais dire. La circulation de l'information à l'époque n'était pas ce qu'elle est maintenant. Maintenant, il y a des alternatives. Il y a Radio Hashisha. Radio Hashisha ne pouvait jamais exister en 92. Absolument. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, etc. Et les télésatellites. Celui qui détient l'information détient le monde. La circulation de l'information, elle est très très importante parce qu'elle permet de démystifier ce qu'on veut bien nous faire croire. Et nous, c'est ça ce qu'on a réussi à nous faire croire. On nous a. C'est-à-dire que c'est celui qui a créé, c'est celui-là même qui a créé le problème, qui est venu t'apporter la solution. C'est celui-là même qui tuait, qui vient te dire, Bli, c'est moi qui te protège. En fin de compte, tu n'avais pas vraiment un grand choix. D'autant plus que les informations, quand j'étais à Tlemcen, je les subissais comment, je les avais comment. Quand j'ouvrais la télévision, et la télévision parlait de terrorisme, d'islamisme, de je ne sais pas quoi, c'est tout. On n'a jamais parlé des exactions de l'État. On n'a jamais parlé des gens qui ont été déportés par milliers. Et c'était des cadres de très très grand niveau. On les voyait autour de nous, mais on se disait que c'était à une échelle très limitée. Maintenant, avec le temps, on est en train de voir l'ampleur des dégâts. Mais ce qui est en train de se passer en Égypte, tout d'abord, ils ont bénéficié de toutes ces expériences, surtout celle de l'Algérie, parce que c'était la première expérience arabe où il y a eu une mouvance islamiste qui a accédé au pouvoir. La deuxième des choses, n'oublions pas que l'Égypte, c'est un pays qui est quand même très très très bien encadré. Il y a les mouchakafines, les mouallifines, les ulama ad-din, العلماء تكور أطباء مهندسين etc. des journalistes l'encadrement y est et c'est des gens qui sont vraiment très très clairvoyants. Ils voient très très bien si jamais ils se laissent aller à la violence où ça va les mener, et c'est pourquoi ils acceptent de mourir en portant le drapeau blanc mais en maintenant le mot d'ordre, c'est la légitimité du peuple qui aura le dernier mot. Et maintenant, je pense que plus le pouvoir en place, le pouvoir putschiste en place, plus il va s'embourber dans la violence, plus il va se discréditer. Maintenant, c'est clair qu'il comptait, c'est-à-dire que le temps joue contre lui. Il joue pour les manifestants, mais il joue contre le pouvoir en place. Je ne sais pas si je m'explique. Si je m'explique bien ou pas. Si, c'est très clair. On a vu, tu as raison totalement. Moi, c'est ce que je pense de toute façon. C'est ce que je crois constater. Kimenta, Kimaganes, en fait. Blé, jusqu'à maintenant, ils ont été très pacifiques. très pacifiste. Silmiya, c'est le mot d'ordre qu'on entend non-stop fi Rabi al-Adawiya, puisque il y a quelques chaînes de télévision qui font des lives de là-bas. C'est le Magharibia ou le Hiwar, par exemple. Je pense qu'il y a d'autres aussi. Et c'est Silmiya. Et pourtant, on a vu comment ils ont été, yani, on leur a tiré dessus aux armes, yani méchants. On a vu Qudem, la garde républicaine, comment des gens ont été exécutés par des snipers. On a vu aussi le Berh, donc dans la nuit, comment l'armée et le Baltadjiethani, on a vu beaucoup de vidéos qui ont montré comment l'armée, les CRS, ils étaient mélangés avec des civils qui étaient armés, qui avaient soit des pistolets, soit qui avaient des armes blanches et tout. Et c'est vrai que les jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas riposté, ils ne se sont pas dirigés vers la solution armée ou mathani, yani le jihad fi sabilillah bsilah. C'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je pense aussi que c'est celle-là leur force, même si kima qal wahd, yani je l'ai lu tout à l'heure sur sa page, qal bli hadi être pacifique. C'est possible pendant un moment, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Au bout de un mois, deux mois, ou ils y du qatlou fihum, hatta win ikoun fih nas yarfdou l'slah ou mathani. En plus, sûrement, hna les Algériens, akelna minha, yani, l'ajib, ils vont les infiltrer, ils vont faire des attentats contre des postes de police, etc., pour justifier la violence. Donc, on espère qu'ils vont tenir, parce que c'est une arme, c'est vrai. Mais jusqu'à quand ça peut tenir comme ça, Allahu alam. Je vais te dire une chose, frère Samir. Il faut à tout prix que ce concept, Silmiya, ce concept de pacifisme, n'est réellement vécu et ne montre le degré de la conviction du pacifisme que dans l'adversité. C'est-à-dire que c'est très simple d'en parler, Haka, dans l'air de dire qu'on est pacifique. Mais à partir du moment où on est réellement, l'estipzez au sens propre du mot, c'est là où on s'aperçoit si on l'est ou là on ne l'est pas. Et c'est justement l'épreuve que doivent à tout prix subir. Qui a dit que la liberté était semé de fleurs roses, rouges, etc. Qui a dit que acquérir son droit en tant que peuple et atteindre le degré justement de cette démocratie où les gens peuvent vivre dans la tolérance et accepter et s'accepter mutuellement à partir du moment qu'ils vivent sur la même terre et qu'ils visent le même but, qui a dit que c'était simple à réaliser? En fin de compte, c'est ça le prix à payer. Et ça commence à partir de là. Si maintenant, à chaque fois qu'une violence se déclare d'un côté, il y a automatiquement riposte par une violence, la violence n'engendre que la violence. Eh oui. La violence n'engendre que la violence. Et il faut qu'une partie comprenne que la gangrène ne peut être stoppée que parce que, tout bonnement et tout simplement, et je veux dire que ce qui joue en l'avantage justement de les musulmans, c'est cet aspect spirituel. C'est très, très, très important. L'aspect spirituel, les gens ont cette conception comme quoi, effectivement, cette manière pacifique de lutter, c'est le plus grand jihad. C'est le jihad qui est le plus jihad de Hamas et Hamas. Parce que là, le plus important, c'est que la parole est la vérité. Vous voulez me tuer, vous voulez me faire de moi ce que vous voulez. Le plus important, c'est que la parole est la vérité. يعني كي نمشي نموت نقابل مولانا بكلمه الحق ما نقابلهاش بحاجه اخرى صح لا لوت باسيفيك الا سي افونتاج الا دي افونتاج سور سي سور كو سا دي افونتاج il ne peuvent en aucun cas maintenir cette pression parce que en fin de compte le pacifisme leur fait subir une pression beaucoup plus grande parce qu'ils les renvoient à leurs yeux et aux yeux de l'opinion publique nationale et aux yeux de l'opinion publique nationale égyptienne et aux yeux de l'opinion publique internationale, il envoie à tout le monde la vraie image de la dictature. Parce qu'en fin de compte, tant qu'ils sont comme ça, l'économie, elle est à l'arrêt. يعني les milliards اللي يجيبوهم ولا ما يجيبوهمش ne sert absolument à rien. Je veux dire que l'État il est complètement en léthargie complète. C'est vrai, c'est vrai. Il y a d'autres. C'est vrai, tu as raison. Il y a celle-là. Il y a, la solution à le Nidal Silmi ou la résistance pacifique et pourquoi pas aussi la désobéissance civile. Et ça a aussi d'autres avantages que j'ai envie de rappeler. Par exemple, moi j'ai vu ça sur une vidéo d'un jeune Égyptien que j'ai vu tout à l'heure. Il racontait c'est quoi les avantages de cette résistance. C'est que Kima Gultantaya, c'est que ça attire plus de personnes pour résister avec toi. Parce que tant que tu es pacifique, les gens y croient à ton combat et ils te rejoignent. Dans le cas des Égyptiens, ça veut dire que les gens ils vont descendre encore plus dans la rue. Et on a vu, Yanni, depuis maintenant, je sais pas, 3 semaines ou là, presque un mois maintenant, 3 semaines, le nombre des manifestants contre le coup d'État, il n'a fait que grossir en fait. C'est-à-dire, si on additionne chaque jour combien de personnes sont sorties, on va avoir des millions, effectivement, un chiffre extraordinaire, contrairement aux chiffres que lancent les autorités ou l'armée, qui sont des chiffres complètement inventés, c'est-à-dire quand ils appellent à une seule manifestation d'une journée, ils vont te gonfler les chiffres, alors que les gens qui sont contre le coup d'État, ils sont dans la rue, toujours plus nombreux, et depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'ils le sont. Ramadan, Siyam, l'été, oui, la température, tout ce qui s'ensuit, et ils se maintiennent, ils sont hommes, femmes, enfants, handicapés, tout, vieux, jeunes, et c'est ça justement, à partir du moment où ce peuple, maintenant, il s'est rendu compte que le pouvoir lui appartient et que son seul mode de pression, c'est cette expression passive. À partir du moment où il obtiendra toujours gain de cause. Il ne doit pas passer et basculer justement à la frange de Dalim. C'est très clair, Khoya. De toute façon, tu es aussi clair que sur tes vidéos, en fait. Donc, à mon avis, c'est très clair. Garoul Ibli, on m'a envoyé un ou deux messages pour me dire qu'il sentait qu'il est un peu loin, en fait. Anna, je t'entends bien, mais Waqila, sur la radio, il passe un peu loin, Haka. Si tu peux te rapprocher, Yanni, du micro. Sans souci, mon frère. J'espère que là, ça s'entend beaucoup mieux. Ah ouais, très bien, très bien. Juste, je ne sais pas. Très bien, oui, c'est mieux. Mais sinon, juste, je vois qu'il y a d'autres appels. Je voulais prendre quand même ton avis, vite fait, Haka, si tu as un moment, sur ce qui se passe en Égypte. L'Algérie, c'est pas grave. J'ai déjà vu Yann et tes positions et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Mais déjà, sur la Tunisie, est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as peut-être ton avis sur ça? Je pense que maintenant, à partir du moment où il y a eu cette manifestation du 30 juillet, les islamophobes se sont déclarés au sens propre du mot un peu partout. Maintenant, moi ce que je dis, je ne suis pas là pour mandater ou là pour cautionner les islamistes ou là pour cautionner. Non, je suis là pour cautionner la vie d'un peuple. Et dans ce cadre-là, s'il y a un avis d'un peuple qui a été émis et il a mis quelqu'un en place pour le démettre, c'est le peuple qui a le droit de le démettre. Et le seul moyen pour justement permettre de le démettre, c'est les urnes. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et justement, tout le monde a voulu bénéficier de cette saloperie d'expérience putschiste de Al-Kilb Hadat al-Sisi. Donc, ça s'est déclaré au même titre en Tunisie. Mais je ne pense pas en Tunisie que ça va obtenir gain de cause parce que ils n'ont pas commis quand même les mêmes erreurs qu'avaient commis l'Ikhwan Muslimin en Égypte parce qu'ils avaient appelé justement à une coalition bien avant. Et maintenant, les Tunisiens, au même titre que les Algériens, au même titre que le monde arabe, même dans les autocraties, à partir, je veux dire, en Arabie Saoudite, il y a eu des manifestations qui se sont déclarées un peu partout. Donc, tout le monde est aux aguets concernant cette expérience égyptienne. Si jamais elle marche, eh bien, ça sera le coup d'envoi des différentes. Je veux dire que c'est, à mon avis, c'est le déclic que le monde arabe entier attend. Et j'espère que ça sera le bon déclic, Inch'Allah. Inch'Allah, de toute façon, on souhaite tous ça, et puis que y ait le minimum de dégâts de vie humaine ou de autres dégâts, parce que c'est vrai que chaque goutte de sang est une goutte de sang en trop, et chaque vie humaine, elle vaut la vie de tous les êtres humains. Donc voilà, on espère aussi qu'il n'y aura pas de dégâts. Exactement. Khoya, merci beaucoup. C'est moi. De m'avoir offert cette chance. J'espère une première et pas une dernière. Inch'Allah, moi aussi, j'espère qu'on t'aura les prochaines fois, Inch'Allah, et puis continue dans ce que tu fais. La défense, t'as l'haq, l'ouahdi dafa ala l'haq, c'est pas facile, mais heureusement qu'il y a encore des hommes et des femmes sur terre, ils dafa ala l'haq. Il n'y a pas que le mal, en fait, et c'est réconfortant. Bon courage à toi, Khoya. Merci beaucoup, Allah inourek. Merci, à très bientôt. Pour toi bien. Khawti, donc on remercie l'akh Mohamed qui nous appelle, ou l'FM bien de l'Imarat. On a eu un petit problème de son au début, mais je pense que je viens de le régler. Houa déjà, il était un peu loin, mais je pense que moi aussi j'avais un problème de connectique. J'ai réglé le problème de connectique, la technique. Et on prend un autre appel, notre ami Shérif. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Khoya Samir, bonsoir. Marhaba bik, Shérif, ça va? Shérif Akdash de Paris. Marhaba bik, sahaf torek, sahaf ramdanek. Je passe le bonjour à tout le monde, à tous tes auditeurs, hein, que ce soit en Algérie, en Kabylie, à l'Est, partout, au centre, sahaf torek moukoul. Et puis, je viens d'entendre l'intervention très très intéressante de notre ami qui vient d'appeler. Je vais pas rajouter grand chose, je veux juste déjà appuyer ce qu'il vient de dire. Et en même temps, essayer d'aborder un petit peu le sujet par un angle différent, sous le même angle que je l'ai déjà précédemment annoncé dans tes différentes émissions. Et je mets le doigt là-dessus, c'est sur comment se font les coups d'État chez nous, et l'implication des laïco-démocrates. Ça, c'est très très important. Je pense que nous devons tous mettre le doigt dessus, non pas pour alimenter la haine des uns contre les autres, mais pour mettre certains face à leurs responsabilités sur l'instauration des dictatures chez nous. Il va falloir que cette chose soit très bien clarifiée, que les responsables et les coupables soient désignés d'une manière très claire des doigts. Il va falloir qu'on leur dise... On a vécu l'expérience déjà en Algérie. On a vu à quel point les laïcs, soi-disant entre guillemets, combinent avec les dictateurs pour nous imposer une dictature, pour nous imposer des crimes, des assassinats, des disparitions. On est en train de voir le même modèle, le même schéma se reproduire en Égypte, mais toujours avec l'appui des laïcs. Parce que quand on voit la parlementaire égyptienne qui vient de déclarer que l'état-major égyptien avait convoqué une bande de laïco-intellectuels avant même que la situation se complique pour leur faire signer à vif un soutien de l'intervention de l'armée avant même qu'il y ait problème, on voit très bien à quel point nos dictatures, pour monter leur coup d'État, à quel point ils reposent sur ce soutien des laïcs face au monde occidental pour se permettre de matraquer et d'assassiner nos peuples. Ça, c'est très très important, et à chaque fois qu'on a l'occasion de les désigner comme étant complices, c'est laïcs qui nous chantent la laïcité alors qu'ils ne l'ont pas dans leur cœur, ils ne l'ont pas dans leur logique, ni dans leur cervelle, ni dans leur conviction. Ce jeu-là, il va falloir qu'il s'arrête, et on doit les désigner comme co-responsables de tous les assassinats qui sont en train de se produire aujourd'hui. Parce que eux, à l'abri de tous les regards, ils ont signé avant tout le monde ce soutien à l'armée. Donc, aussi bien on a vécu déjà l'expérience en Algérie, elle est en train de se reproduire, la chose se confirme à quel point cette caste de laïcs dans notre monde arabe est un instrument décisif pour nos dictatures. Et pour que ça ne se reproduise pas, déjà pour que nous puissions faire notre devoir en tant que citoyens, nous devons à l'heure actuelle les désigner, les acculer de désignation et de culpabilisation. Nous devons désigner ces gens-là comme étant responsables. Nos laïcs qu'on connaît tous les jours, qu'on voit tous les jours, à travers ou soit leur silence, ou à travers leur apport et leur soutien à la dictature. Et aussi pour nous éviter que la prochaine fois, ils puissent encore nous refaire le coup en assistant nos régimes dictatoriaux. Ça, c'est très important et je le dis à tous nos amis qui sont à l'écoute. Soyez vraiment à cheval là-dessus. Il va falloir les désigner comme co-responsables. Parce qu'on a, on découvre quand même, il se révèle que les armées ne font pas les choses tout seuls comme ça. Ils ont toujours recours à l'appui d'une caste laïque qui séduit l'Occident pour acheter le silence de l'Occident. Il n'y a que cette caste-là, laïco-démocratique, qui est en très bon rapport avec l'Occident, qui peut faire fermer les yeux à l'Occident, d'où le silence actuel de l'Occident. C'est cette caste-là. Que ce soit chez nous en Algérie, comme l'a fait certains partis politiques chez nous, que ce soit aujourd'hui en Égypte. C'est pour ça que je mets le doigt sur cette importance-là. Voilà, ça c'est le premier point qui me tenait vraiment à cœur et il faut qu'on soit à cheval là-dessus. La deuxième chose, c'est vraiment cette liaison, cette guerre proclamée un peu partout et pour dire aussi toujours que les choses sont liées, tout est fait en même temps. On a l'Algérie qui déclare que les Égyptiens doivent être livrés à eux-mêmes et décider de leur sort alors qu'ils sont en train de se faire assassiner. On a un laïc démocrate aussi qui est assassiné en même temps en Tunisie. Donc on voit très bien que les anciens régimes sont toujours en contact, profitent de leurs expériences et ils reviennent à la charge, quoi. Ils reviennent à la charge. Et c'est-à-dire, à ton avis, est-ce qu'il y a moyen de rester un peu positif et de croire que on peut espérer des choses yani, positives à l'avenir, que ce soit pour le cas égyptien ou tunisien ou même algérien? Personnellement, je le pense. Je le pense, et même dans notre malheur, notre désolation par rapport à ce qui se passe, Allah et nos cœurs, ils sont en train de se déchirer pour les gens qui sont en train de mourir. Indépendamment qu'ils soient islamistes, je m'en fous qu'il ait une barbe, je m'en fous qu'il ait une conviction, c'est un être humain qui est en train de se faire lyncher, c'est un être humain qui est en train d'être assassiné. Et si c'est pas dans ces cas-là où on prouve notre humanisme, nos principes et nos valeurs, quand est-ce qu'on va les déclarer? Quand est-ce qu'on va prouver qu'on a des principes et des valeurs envers l'humanité et envers ceux qui nous ressemblent? Quand? Si c'est pas maintenant? Je sais pas, il y a un silence fou de la part des laïcs. Il y a des gens ils ont disparu de la toile parce qu'ils n'osent même pas avoir une position. Ils sont très très mal. Mais vraiment, c'est quand vous allez prouver que vous êtes vraiment des gens qui combattent pour la démocratie, pour la laïcité? Des vrais principes. Voilà quoi, quand? Des vrais principes et pas seulement des slogans. Mais sinon, si tu me le permets, je pense que tu connais quand même un peu mon avis sur ça parce que je l'ai déjà exprimé et je le partage totalement en fait comme toi. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi dire, Billy, un, il ne faut pas généraliser. C'est clair que, par exemple, en parlant des démocrates ou la Nestlé, c'est-à-dire qui se classe dans les gens qui veulent la laïcité, contrairement à Daoulat Dinia et tout. Est-ce qu'on peut généraliser ou les Kainfium quand même Nes, qui ne sont pas comme ceux qui sont montés sur des chars, c'est-à-dire qu'il reste encore des gens. On l'a vu, par exemple, regarde, fi Masr, Rabi Al-Adawiya, il y a un live qui se fait de là-bas non-stop tous les jours et on a vu combien de personnes qui ne sont pas islamistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont de filja ya imma démocratine ya imma watanine ya imma jumhourine ghair islamine de toute façon et qui sont montés sur l'estrade et qui ont d'Iblis sont contre le coup d'État, qu'ils dénoncent le coup d'État, qu'ils sont là, pas en tant qu'islamistes, parce qu'ils ne sont pas islamistes, mais chez Islamaouïn, mais ils sont là pour défendre Sharia ou défendre le choix populaire et défendre la vraie démocratie. Donc, à mon avis, on ne doit pas y aller généraliser, puisqu'il y a quand même des gens, on l'a vu, même concernant l'Algérie, c'est pas tous les laïcs, tous les démocrates qui ont rejoint les généraux qui ont fait le coup d'État. Il y en a, notamment ceux du FFS par exemple, mais pas que, dans tous les partis, à mon avis, il y a des gens qui n'ont pas suivi les putschistes. Qu'est-ce que tu en penses, Inter? Mais tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je parle de désigner le concept qui est accepté chez nous et non pas les personnes. Ça veut dire que quand les gens sont laïcs et qu'ils sont dans le silence, et qu'on dénonce cette position laïque, parce que c'est les 11 personnes qui ont signé et ont donné l'accord à l'armée égyptienne, ce sont quand même majoritairement laïcs. Ça veut dire. Et ils ont parlé au nom de tous les laïcs, ça c'est vrai. Exactement. Et quand on met le doigt là-dessus, ben on réveille les autres qui se prononcent pas pour au moins dire leur position qui s'en contre. Ça veut dire que c'est sous leur abri, leur maison qu'ils doivent régler les choses. C'est... Ça veut dire que nous on met le doigt sur le slogan on va dire, hein, qui est censé soi-disant les représenter. Après Tartib al-Bayt al-Dakhili hadak ma binatum, mais c'est à eux. On dit ça pour les réveiller, pour qu'ils se manifestent et qu'ils sortent de cette position partisane. Il y a des gens qui sont enfermés, c'est pas, ils ont leur cœur avec les gens qui meurent. Ils sont contre les putschistes, mais comme ils sont conditionnés par la conception du parti, ils osent pas dire les choses. Non, il faut qu'ils sortent, et c'est pour ça que je parle aussi de désignation, de culpabilisation, pour que ces gens-là se réveillent, pour que leur humanisme et non pas leur sens de politique ou quoi que ce soit. Leur humanisme se réveille, leur sens de la justice se réveille et prennent une position même contre ceux qui sont censés les représenter, parce qu'ils vont les mener, eux et nous tous, en enfer. En enfer, l'Helek, exactement. Voilà, c'est ça le but. Mais le but n'est pas de culpabiliser les gens ou de remettre en question leur conviction sur la laïcité. Moi-même, je me prétends être laïque, j'essaye d'être laïque, etc. Mais ça ne m'empêche pas de dire les choses. Et donc, c'est plutôt de l'autocritique quelque part. Mm-hmm. Nous devons oser aussi l'autocritique. Donc, il ne s'agit pas de, justement, je l'ai dit, il ne faut pas mettre les gens les uns dans les autres. C'est pas dans ce sens-là qu'on doit faire les choses, mais dans le sens de réveiller les consciences. C'est vrai, c'est vrai. De réveiller les consciences. C'est tout. C'est dans ce sens-là. Maintenant, je reviens à ta question sur l'espoir. L'espoir est là, parce qu'on voit quand même que rien que juste ce qui s'est passé hier, on voit très bien les réactions des gens dans l'heure qui suit, il y a des manifestations des gens, de leur position, de leur refus, etc. Donc je pense que contrairement à l'Algérie dans les années 90, le régime égyptien va avoir une tâche très très très compliquée face à la médiatisation, face à la connexion des gens par rapport à l'information de jour en jour. Ça veut dire que il pourrait continuer un petit peu dans sa logique meurtrière, sauf qu'il n'est pas confronté au même silence que les Algériens ou les putschistes algériens ont eu la chance d'avoir. On n'est plus dans la même configuration, ils vont avoir du mal, et certains intellectuels, beaucoup d'intellectuels commencent à se manifester, la population, les citoyens, avec leurs mots, avec leurs moyens, commencent à le faire. Donc je pense que ça va être une position très intenable, et même l'Occident, je ne sais pas jusqu'où il pourra tenir avec toutes les manifestations et tout le relais médiatique, quoi. Voilà, je pense qu'il y a de l'espoir là-dessus, c'est que les gens participent, les gens refusent et c'est médiatisé. Et donc on n'est plus dans la même configuration où c'était caché comme l'Algérie, où il y avait une seule chaîne, c'était l'Hnine Al-Yatima, qui nous racontait quoi, n'importe quoi, qui nous mettait des gens à la télé comme quoi avec des aveux sous torture ou complicité, je ne sais pas. On n'est plus dans la même configuration. Ce qui s'est passé hier en Égypte, on l'a eu en direct. Les tirs, les assassinats, etc. Donc même les médias occidentaux, même les pouvoirs occidentaux, ils auront du mal à tenir cette position. À mon avis, à un moment donné, ils seront obligés de récapituler un petit peu, quoi, on va dire. C'est vrai. On le souhaite comme ça, mais c'est aussi un vrai constat. Notamment ce que tu viens de dire, à mon avis, il me semble que c'est très important. C'est justement pour les autorités occidentales, européennes ou américaines, qui ne pourront pas tenir une position que leur peuple aura bien compris. Parce que, on l'a vu, quand tu vois la presse, y compris la presse la plus haineuse, ici en Occident, qui ne peut pas fermer l'œil sur le nombre de morts, par exemple, sur l'intervention très musclée de l'armée et des Baltadji el-Bareh hier. Et donc, même le Figaro et tout, ils ont rapporté les événements. Ils ne peuvent pas les cacher, en fait, parce qu'ils savent que les vidéos des snipers, les vidéos des policiers, des CRS qui tirent avec le khartouche avec ta homme, Les vidéos, elles ont fait le tour du monde. Et elles ont fait le tour du monde plusieurs fois. Il n'y a personne qui ne les a pas vues. Et du coup, ils n'ont pas pu cacher la vérité. Et probablement, à mon avis aussi, cela jouera sur les positions d'Al-Boulden, qu'ils prétendent être démocrates, mais qui ont tendance à soutenir tous les voyoucrates du monde entier, surtout les voyoucrates arabes. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on met le doigt sur la laïcité, parce que c'est quand même un concept qui leur, entre guillemets, leur appartient, et c'est à partir de là qu'ils nous donnent des leçons. Moi, je dis à nos concitoyens, c'est l'occasion ou jamais de leur donner des leçons aussi. C'est l'occasion ou jamais de leur donner de notre petite position. C'est pas grave, on n'est pas grand par les positions ou par les médias ou quoi que ce soit. On est grand par les valeurs qu'on prône et qu'on persiste à tenir. C'est ça, il faut leur donner cette leçon-là. On va leur donner une leçon dans la laïcité, dans la démocratie, etc. À nous de le faire aujourd'hui, et personne n'est incapable de le faire. On a tous le pouvoir, par un mot, par une communication, par quoi que ce soit, une image. Tous, on doit contribuer à donner des leçons, non seulement aux laïcs, comme je disais tout à l'heure, sans généralisation, de nos pays qui soutiennent les dictatures, et que grâce à eux, que c'est révélé maintenant, c'est confirmé, et aussi à cette laïcité occidentale, sélective, qui ne chante la laïcité que lorsqu'il s'agit de leur propre intérêt. Donc à nous de le faire, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le peuple égyptien triomphe, parce que, comme je le disais aussi la dernière fois, et comme notre ami là, précédent, il vient de le rappeler, il s'agit d'un impact direct et indirect sur notre avenir à nous, sur notre changement à nous. Ça va jouer sur le processus de changement ultérieur, que ce soit de l'Algérie ou autre. Et c'est pour ça qu'ils ont frappé la Tunisie. Ils ont frappé la Tunisie au moment où la dictature a frappé en Égypte, pour que les laïcs et pour que le président lui-même, etc., ne peuvent pas soutenir l'Égypte, parce qu'ils savent très bien que la position de la Tunisie, là d'où le changement est parti, sera très très importante et décisive par rapport à ce qui se passe en Égypte. Ils leur ont bouclé la gueule avec un assassinat pour que personne ne puisse parler de cette position de changement et de révolution tunisienne. Je pense que c'est lié aussi. Et je pense que beaucoup de pays voisins, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit sont complices aussi dans ce silence et dans ce renforcement de la dictature, directement ou indirectement, parce qu'ils savent très bien que leur tour va venir. Et je n'exclus pas du tout que les services travaillent ensemble jour et nuit pour faire chuter la dictature, pour la démocratie, et faire encore revenir la dictature. Mmh. Ça, ce n'est pas exclu du tout, d'où l'assassinat un peu étrange en Tunisie, que nous déplorons d'ailleurs, et nous saluons la mémoire du bonhomme qui est mort en fin de compte, hein, parce que voilà, il fait partie de nos victimes en général, sans distinction. On pleure aussi pour lui, on est désolé pour lui aussi, et donc ça, je pense qu'il y a une complicité régionale aussi, des services, hein, qui ont toujours communiqué entre eux, contre leur peuple, parce qu'ils servent tous les mêmes intérêts, hein, ils sont tous soumis aux mêmes intérêts, hein, ils reçoivent tous les mêmes directives. Donc voilà, il y a cette complicité-là qu'on doit en prendre en compte. Et je pense que l'Algérie aussi fait tout pour faire chuter aussi et la démocratie en Tunisie et aussi en Égypte, qui est très très symbolique. Voilà. Tout à fait, de toute façon, l'Égypte Khaled dans Inch'Allah, tous les cas. Inch'Allah, et voilà. Donc, je salue tout le monde et je dis à tous nos concitoyens, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à y aller là-dessus. C'est notre avenir à tous qui est en jeu. C'est notre avenir à tous qui est en jeu. Salam alaikum à tout le monde et merci beaucoup, Salam. Alaikum salam, merci beaucoup, Chérif, pour ta contribution. Merci à toi. Et puis j'espère t'avoir la prochaine fois, Inch'Allah, si c'est possible. Inch'Allah, toujours. Merci beaucoup. Très bien, merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Chérif. D'origine à Annaba, mais qui nous appelle de Paris. L'autre fois, je croyais qu'il était à Annaba. Moi, je trouve très lucide, très pertinente ses interventions. Merci pour ta contribution, Khoya. Je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent, on va faire une petite pause d'aide, 5-10 minutes, parce que déjà au l'iftar, là, en France, on va faire une petite pause d'aide, 5 minutes, 10 minutes, et on revient. Bien. Si vous voulez participer à Khaouti, ça se passe en direct. Nous sommes en direct sur Radio Chicha. Vous pouvez appeler sur Skype si vous voulez participer en direct. Donc il suffit d'appeler Chicha DZ via Skype. Le sujet de l'analium, c'est d'abord l'Égypte, c'est vrai. On est en train de suivre tous ce qui se passe là-bas. Donc il y a quand même comme ta'liq à l'Ahdath Masr, marhaba bikoum abr Skype. Et sinon, on peut aussi parler de la Tunisie, parce qu'il y a aussi des événements très important en Tunisie et aussi de l'Algérie, puisqu'on est des Algériens. Et c'est vrai que même l'Algérie, c'est-à-dire la situation politique, il y a une crise politique et tout. Qu'est-ce qu'il y a à Hadra, je ne sais pas si vous avez un avis sur la situation politique. À la marre de Bouteflika, à la réassiette heavy, à la moucherika amla fréassiette, etc. Il y a un talik, marhaba bikoum, abr Skype, chicha des aides, l'île moucherika, à la moubachir. Donc voilà, ndiro, une petite pause musicale, ma chikh imam Issa. مغني و انا نسميه ريفوليسيونير و مغني مصري on va le laisser nous chanter عندي un spectacle live تاع 50 دقيقه نخليه pendant 10 minutes و نرجع لكم بعد لحظات صحه فطوركم خاوتي صحه رمضانكم et à tout de suite تستمعون إلى الراديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت لما عيني يا جمسينات رأيكم دمع الزخم يا انتكات يا غلقان في المأكولات والملبوسات يا دب يا ديد ومولعين الدبايات يا محفوطين يا ملمعين يا جمسينات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات ما رأيكم دمع الزكم حبارة مات لا طنطنة ولا شنشنة ولا إعلامات استعلامات حبارة مات حبارة مات حبارة مات حبارة مات أهل راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. تستمعون إلى أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. مرحبا بكم خوتي. Vous êtes toujours sur Radio Chicha. On était en train d'écouter Cheikh Imam, un chanteur égyptien. Nous sommes donc là pour vous écouter, Khawti. N'hésitez pas à nous appeler sur Skype via le compte Hashisha DZ, trouvez Hashisha DZ et vous appelez pour participer en direct. Sahar Torkom, Sahar Mdankom Khawti, pour ceux qui sont en train, il faut trop là actuellement. On a un appel de notre ami Halim. Allô. Allô. Allô, marhaba bik Halim. Salam alaikum, wa salak samel. Wa alaikum salam, ça va, Sahar Torkoyan. Merci pour l'appel, mais ben t'lis à quel centre qu'il est loin ou là c'est mes problèmes techniques à dos. Là là, c'est vrai le casque était à Jazeera donc. Là c'est mieux en fait, il faut te rapprocher du micro en fait. Voilà, c'est ce que je fais. Là on t'entend, on t'écoute. Hein. Merci pour ton appel. Là c'est le micro à Samir. Ben, wesh ngoul, bon, pour le coup d'État en Égypte, et l'assassinat de M. Brahim Irlaï Ahmou, moi je pense que ça représente une remise en cause de l'Occident, c'est-à-dire pour les printemps arabes, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui a été préconisé pour l'Occident. Parce que pour l'Occident, à un certain moment, il fallait changer les dictatures. Parce que ça commençait à causer des problèmes. Mais entre-temps, c'est-à-dire l'option des islamistes, ça a tout chamboulé. Et bon, pourquoi l'Égypte, un coup d'État en Égypte? Parce que l'Égypte, c'est très très important. C'est-à-dire la situation de l'Égypte vis-à-vis du monde arabe, elle est très très importante et il y a aussi le problème, c'est-à-dire le problème d'Israël. Donc, ce qui se passe actuellement en Égypte, enfin, c'est une conspiration, elle est mondiale, hein, c'est-à-dire c'est les États-Unis, l'Union européenne, les pays du Golfe, l'Algérie. Et bien sûr, chacun a des intérêts à préserver. C'est-à-dire, et le seul perdant, c'est la population égyptienne et la population arabe en général. Donc, même on peut constater que la presse occidentale, c'est-à-dire cette presse qui est devenue hypocrite et instrumentalisée par leur gouvernement, est partie prenante dans cette tragédie. C'est-à-dire, elle a beaucoup de choses à se reprocher, c'est-à-dire dans ce qui se passe actuellement. Tu vois, la presse française, comment elle interprète les choses, c'est vraiment incroyable. Et on a vu pour la presse, on a vu les titres, yani, qui sont un peu, pour quelqu'un qui est un observateur, il ne peut pas, yani, ne pas remarquer, blé, les titres sont complètement, des fois, le titre n'a rien à voir avec le contenu. C'est-à-dire, par exemple, dans un titre, blé, il y a eu affrontement entre les frères musulmans et l'armée. Tu vois que l'armée, elle a tiré sur des gens. Ce n'est pas un affrontement, c'est juste que l'armée a tiré sur des gens. Mais les titres, bien sûr, ils sont toujours comme ça. Et je pense qu'ils sont révélateurs de l'état d'esprit dans lequel sont les pays occidentaux qui essayent à tout prix de soutenir un coup d'État. On peut le dire qu'ils ont toujours soutenu la dictature. C'est pas nouveau, c'est pas yanné. C'est juste que, voilà, finalement, on répétera jamais assez. Les discours sur la démocratie ne valent rien du tout. Ce qui compte, ce sont les actions. Et on sait maintenant qui sont du côté de la démocratie, du côté du peuple, du côté des droits humains, du côté du respect, on va dire, de la dignité. On tue pas, on torture pas, on tire pas à balles réelles sur des manifestants non armés et tout. Et on sait qu'ils peuvent défendre méchamment les solutions violentes et des appels au meurtre. On a vu les télévisions égyptiennes qui font, yani, elles se sont déchaînées violemment, appels au meurtre, yani. C'est pire que ce qui s'est passé au Rwanda quand il y a eu des appels à partir d'un média pour massacrer les gens. C'est pire, en fait. On assiste à pire. Même l'utilisation de la force, les coups d'État, même ça fragilise le pouvoir en place. Les pouvoirs des, en fait, les dictateurs, hein, ça les fragilise vis-à-vis de l'Occident. Ils n'ont pas de légitimité. Voilà, ils n'ont pas de légitimité, ils sont à la merci. C'est-à-dire, ils peuvent leur. C'est-à-dire, ils sont vraiment à la merci actuellement. Ces agissements, ça travaille les intérêts des Occidentaux. Hein. Même nous, on commence à perdre confiance, même aux ONG. Même aux ONG, on commence à perdre confiance. Tout le monde travaille pour son pays, excepté nous. Voilà. Donc, et pour le crime, c'est-à-dire de M. Brahimi, c'est-à-dire à qui profite ce crime? Et en ce moment-là, c'est-à-dire en ce moment précis, pourquoi en ce moment précis? C'est-à-dire pourquoi, c'est-à-dire pendant le. C'est-à-dire pendant les événements qui se passent en Égypte. Donc, ça c'est grosso modo, c'est-à-dire l'interprétation de tout ce qui se passe. Entre-temps, il y a une lueur d'espoir. Le peuple égyptien, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il a très bien réagi. C'est-à-dire, ça n'a pas été le cas en fait, des Algériens des années 90. Les Égyptiens, ils réagissent bien, ils n'ont pas réagi à la violence, ils sont là, ils sont solidaires. Donc, ça sera une guerre des urnes, c'est-à-dire entre les putschistes et les opposants au coup d'État. Voilà, les opposants, ceux de la légitimité, moi je les appelle, les pro-légitimité. Donc, c'est-à-dire, d'après certains éléments, je crois que les choses, c'est-à-dire, ils sont beaucoup mieux que ce qui s'est passé en Algérie, c'est-à-dire. Mais sinon, par exemple, est-ce que on parlait de la Tunisie, est-ce que le fait que on a noté Khouya Halim, tu me corrigeras si je me trompe, et puis les auditeurs ils peuvent me corriger, on a noté hier, ils ont donné le nom et l'identité de l'assassin, qui est le même assassin de Choukri Blaïd, Allah yarhamo, exactement. Et on a vu que le parcours Taou Cheb Hada, c'est un petit jeune des banlieues françaises, et c'est un djihadiste qui a été dans des pays comme la Syrie, comme l'Irak, etc. Et c'est un petit jeune aussi qui était, entre guillemets, suivi par les services de renseignement, notamment les services de renseignement français, mais pas que, sûrement. Dans ce genre de cas, il y a une collaboration très étroite qui se fait entre les services pour voir ce qui fait quoi, et très probablement qu'ils sont en contact avec eux. Et quand on a vu, personnellement, je l'ai exprimé sur ma page Facebook, quand on a vu que c'est ce type de profil qui est l'exécutant, en fait, il y a de quoi se poser de sérieuses questions sur qui sont les commanditaires de ce crime. Qui sont les commanditaires de ce crime? D'ailleurs, les autorités tunisiennes n'ont pas révélé les commanditaires. Ils ont révélé l'identité de la personne et son parcours, son profil, mais ils n'ont rien dit sur les commanditaires. Et là, on a de quoi, yani, moi, c'est ce que j'ai dit, Wallahi l'Azim, qu'il y a de quoi avoir froid dans le dos, parce qu'on se rend compte que il y a de grosses probabilité, Bli, c'est une intervention d'un autre État, d'autres États, peut-être la France, peut-être l'Algérie, peut-être d'autres pays, qui sont intervenus directement pour basculer le processus tunisien dans le chaos, pour l'arrêter, pour l'exploser. Et là, je pense que on a, c'est-à-dire, si les preuves sont claires et rendues publiques, il y a de quoi, Kimekoulou, taper sur la table, mais sérieusement, c'est quoi ça? Je sais pas ce que t'en penses, Ntaya. Ils disent même que le criminel, là, il est passé par Israël pour passer en Syrie. Donc, les services de sécurité pour passer en Israël, c'est un djihadiste qui passe par Israël, c'est pas évident. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et puis, quand on a vu l'affaire Merah ici en France, c'est-à-dire les services, ils sont en contact avec la personne. Andou, ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme là, le terme militaire là, j'ai oublié comment on dit, c'est-à-dire il a une personne qui est son interlocuteur qui va s'occuper de lui. C'est lui qui va lui donner l'argent, qui va lui donner les infos, qui va lui procurer les billets, les passages, etc. Et on sait, avec l'expérience et avec beaucoup d'années sur cette histoire de terrorisme, de cette manière, on peut les contrôler, ces jeunes. C'est-à-dire que certains services peuvent contrôler ces jeunes, lui donner des instructions fausses, etc., etc. Du coup, ça nous met quand même dans le doute. Dans les victimes, Tamrah, c'était pas des Français de souche. Sauf Khouya Samir, où le ministre de l'Intérieur tunisien, il a parlé de main étrangère, mais la situation de Hama est fragile actuellement, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, aller jusqu'au bout des révélations. Voilà, ils ne peuvent pas dire l'État Al-Foulani est impliqué dans ces assassinats. C'est-à-dire la situation de Taham est très très fragile, et pour entrer dans des confrontations avec l'État algérien, c'est bon. Moi, j'ai parlé de l'État algérien parce que je sais que les services secrets algériens, les services secrets français, ils sont étroitement liés. Donc, c'est-à-dire tout s'enchaîne. C'est quand même grave, et puis c'est la preuve que c'est la preuve, Bli. Finalement, on revient à ce que toi tu disais là il y a un petit moment, un instant. C'est ce que disaient aussi les auditeurs, les gens qui ont appelé avant. C'est que il y a une volonté internationale, c'est-à-dire François Burga, qui est chercheur, qui est spécialiste des pays arabes et des mouvements politiques islamistes et tout, il dit l'association des dictateurs sans frontières. C'est-à-dire que les États, les dictatures dans la région avec leurs alliés occidentaux, ils ont décidé de donner un gros coup pour stopper cette idée d'un changement dans les pays de la région. Et on a vu qu'ils ont fait un gros coup d'État en Égypte. On a vu que il y a des tentatives très méchante, qui consiste à organiser des assassinats politiques dans le but de faire échouer le processus en Tunisie. C'est-à-dire que c'est cette association de dictateurs sans frontières, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Kharjou Inani, d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. Tout ça est, je pense, évident. Yani, on est en train de le voir, carte sur table. Et ce n'est pas bon signe, à mon avis, parce que là, les dégâts risquent d'être gros. Sauf Samir, on attend la réaction du peuple égyptien. C'est-à-dire qu'il faut plus faire confiance l'étranger, l'Occident, il ne faut plus faire confiance. Si le peuple égyptien il va bien réagir, il y aura, inchallah, il y aura de l'espoir. Il y aura de l'espoir, inchallah. S'ils vont bien réagir, il y aura de l'espoir, inchallah. Inch'Allah, de toute façon. En tout cas, c'est-à-dire, le cas à la Turquie, c'est-à-dire, malgré que les Turcs, en premier, c'est-à-dire, il y a eu des élections, il y a des islamistes, en bas, il y a eu un coup d'état militaire où le premier ministre, avec même, il a été emprisonné. Et ça n'a pas empêché, c'est-à-dire, le mouvement de se ressusciter. C'est-à-dire, nous n'avons pas assez d'éléments de tout ce qui se passe en Égypte. Ce qui est sûr, actuellement, c'est qu'ils ont bien tenu. Qu'on lance un appel. C'est-à-dire le mouvement associatif algérien, c'est-à-dire tous les démocrates, c'est-à-dire de se montrer actuellement, c'est-à-dire la vie belle ou drôle. Allô? Allô, mais le son, il est très loin, il me semble. Le son TAC, il est très loin. Problème à l'internet, c'est-à-dire la Valle. C'est-à-dire, rien n'est fait en Égypte. Il faudra attendre ces dernières semaines pour pouvoir se prononcer. Mais je pense que c'est la fin, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, de toute façon, c'est ce qu'on souhaite. Et merci à toi pour cette contribution. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à rappeler. On reste en contact. De toute façon, tu es militant d'une association de lutte contre la corruption. Le sujet là, il est important. On y reviendra. Et puis ça serait bien que tu nous apportes des éléments comme ça à ce propos. C'est un sujet que il faut suivre de près. Donc voilà, il nous concerne tous. J'espère qu'on t'aura très bientôt. Inch'Allah, Rabbi, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Au fin septembre, on est à l'écran, Inch'Allah. Ok, ouais, très bien. Ok, ben, khoya, bonne soirée, puis à très bientôt, Inch'Allah. Allô, je pense qu'il y a eu un petit problème de son, on n'entendait plus rien à la fin, je suis désolé, c'est des fois il y a des on appelle à partir de Skype, donc des fois la communication n'est pas géniale. Des fois avec l'Algérie, c'est pas évident parce que la connexion n'est pas fameuse parfois. Sinon Khaouti, nous sommes toujours sur Radio Chicha. Nous avons un autre appel, Huna Mourad min Suisse, Adon. Allô, salam alaikum. Salam Samir, Zulfla, on s'achatour, Khoya. Zulfla, marhaba bik, Khoya, merci pour l'appel. Mourad min Suisse, c'est ça? Où sera que... Ça va, s'achatour, Khoya. Rakon live, hein? Nous sommes en direct, ouais. D'accord. Et ياخو معليش الا معليش جامي بارتيسيبي قولي السوجي كوا اي بي Le sujet, en fait, ce soir, c'est un peu comme on avait parlé l'autre fois, Yanni, puisque l'actualité nous rattrape. Ouais, c'est les événements en Égypte, les événements aussi en Tunisie, puisque les choses s'accélèrent, ça devient un peu dangereux. Et puis aussi le cas algérien, puisqu'on est djazaïrien et on a l'œil sur ce qui se passe là-bas. Si tu peux intervenir sur un des trois sujets ou là les trois qui m'habitent. يا خو لي تروا ميم عندك سون سوجي دركا تو لو موند اي كونسيرني انا راقدين ونوض بهاد لي زيفينمون دركا سي فري فوالا يا خو باليش سي كوم تو فو خويا كان غون بليزير الو الو الو وي سمير وي لو سون اي لي موفي جو سي با انا بندي سي فو سي رابروشي سي فو سي رابروشي دو ميكرو Là, c'est plus clair. J'essaie de mon côté d'améliorer les choses. C'est mieux, oui, normalement, ça, c'est mieux. Ouais. Ça va très bien, Samir. On t'entend. T'as l'air tac sur les événements. Salam alaikum. هذا سي ان جيست واحد يدير جو با اون لوكازيون باش نقول لك ميرسي لا دنيير فوا سمير جابريسي تون سيرج خويا باسكو تي كونساكر ان طون با بوسيبل بور سا وهذوما ناس وطنيين اللي يحبوا فريمون شعبهم ويحبوا الوطن ديالهم فهمت كيفاش اللي سي سامبا ميرسي بور لونكوراجمون واه لا سي سا سي فو دير لي شوز ثانيا نحيي اللي يسمعوا فيك ونحيي كاع الجزائريين الحرار وكاع العرب وكاع يعني ماشي حتى العرب يعني كاع اللي كاع لي زين ايتير معلومه حبيت انا على الاحداث بيان سور دونك الاحداث راهي تصير خاصه في مصر وراني نشوف باللي الو اني معكم الو سمير سونتون لو سون اي باس تري بيان اي باس تري بيان داكور قلت لك فوالا سكي سباس دركا اون ايجيبت سي كيفاش يقول لك دركا سي لو فات اكومبلي دركا تاع تو الموند سي ريسبونسابيلتي تاع تو الموند دو شاكان دو نو حنايا تاع لي ميديا تاع لوبينيون انترناسيونال ناسيونال عرب تو سكو تو بو دير هكذايا سي سكي سباس سي ما نقدروش نفاليديوه سي انكسبتابل سي با بوسيبل باسكو سكي سباس سي سامبل سي الناس خرجوا في الفوت ربحوا ديموكراتيكمون ما حبوش نحوهم نحولهم لو بريزيدون زادو خرجوا ما حبوش يديروا دي جيست عندنا دان كوتي عندنا دي جون qui réclament et revendiquent leurs actions avec un modernisme, avec un civisme de haut niveau. Hadouma dorka l'armée, on en parle bien l'armée, il fait bli kayin Masr maqsoum ala zoul, c'est faux. Chaque jour, Masr taawd chaab dialha, yaawd youli jgol comme un bloc. Hada l'armée kharj bach ydir el fawda, bach ydir el unf, ou el unf hadaya yghdi l'armée, ça veut dire l'armée y profite de la violence. C'est l'aba li yhabha, el djish huwa el unf. Haka, dorka bach naawdou nanchine ou bertqiqa, nhalli une petite parenthèse, on rohou la Tunisie, ce qui se passe en Tunisie. Donc aujourd'hui, j'ai eu un rédacteur en chef donc à la télévision suisse romande à Genève. Hein? Et puis je lui ai posé une simple question, donc voilà, je lui ai parlé des événements qui sont en train de se passer donc en Tunisie et en Égypte, voire en Libye aussi. Hein? Et puis je lui ai posé la question à Hadaya, le militant tunisien qui l'a été abattu, assassiné, Hadaya, lâchement. Est-ce que tu as fait auparavant qu'à les noms? C'est ça votre problème. Voilà. Votre problème, c'est que vous êtes affilié à l'agence France Presse. Vous prenez donc les infos et puis vous allumez votre moteur. Par contre, monsieur, la semaine passée, même pas une semaine, il y avait 6 égyptiennes femmes assassinées lâchement. Il n'y a personne qui n'a parlé. Donc vous n'êtes pas crédible. Et chaque jour, vous êtes en train de perdre une crédibilité pas possible. Vous couvrez pas les événements. Et puis, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce que maintenant, on a les images, on a les réseaux sociaux et on a Internet. Donc, c'est impossible qu'on peut passer à côté des événements pareils. هذه وحده ثانيا الجزائر كي نعاودو نحكيو على الجزائر انا يا مون افي ها مون افي pour certains qui sont au pouvoir ils sont en train d'applaudir ce qui est en train de se passer parce que on a vu sauf en septembre c'était la même réaction à l'Algérie ils étaient vraiment soulagés c'était le thème c'était le terrorisme hein. Maintenant donc c'est la révolte arabe maintenant ils sont en train qu'il y a donc un retour hein, voulu hein, par des forces, certaines forces et certains pays malheureusement arabes. Hakdaya, l'Algérie, donc, elle fait toujours son repose-tête sur un fauteuil confortable que, soi-disant, peuple algérien, vous voulez vous révolter, voilà le résultat. Et c'est faux. Et justement, c'est là où il faudrait vraiment, c'est à double tranchant. Je dis, je fais un appel que c'est faux. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. Au contraire, ce qu'ils sont en train de faire en Égypte, ils sont en train de discréditer leur thèse. Tout le monde voit ce qui se passe maintenant. Il y a les images, il y a tout. Et puis, on est vraiment concernés. Hein. J'ai parlé, je t'ai dit, même avec donc la presse locale suisse, et j'ai dit que ce problème-là, un jour, il va venir en Europe, tôt ou tard. Ça peut prendre peut-être 10 ans, voire 20 ans, mais ça va venir, la même chose. Comment se fait-il qu'on ne passe pas par la démocratie, soi-disant, donc c'est l'exemple mondial, c'est une règle, et puis une fois franchi, hein, le parti soi-disant islamiste, où on s'en fout, c'est des Égyptiens. En Algérie, on a eu la même chose. Le FIS, le FFS, mais c'est des Algériens, c'est des nationalistes, c'est des gens qui aiment travailler. Laissez-leur donc le champ et le temps pour qu'ils réalisent leur projet. On lui juge et quelqu'un qui est venu par une voie du peuple, il repart par la voie du peuple si on respecte la démocratie. Eh ben non. Les États-Unis sont en train de valider un projet maintenant qui est nouveau, que ça disons, donc si vous perdez les élections, vous, minorité, nous, on est là, hein, avec nos idées, avec notre planification, on va essayer de vous aider avec nos médias, avec nos finances et avec notre soutien donc auprès des Nations Unies et puis l'Europe et l'Union Européenne. Alors faites une sorte de manifestation et on va valider les coups d'État. C'est ça le problème, Samir Khouya, c'est ça le problème, il est là. C'est ça la réalité. C'est tout ce que je peux dire ce soir. Samhounina si lana hadar blarbi en français, je suis en train de parler librement. Non, il n'y a aucun problème, c'est notre langue à tout. Il y a quand même une sorte de sentiment. C'est humain, c'est comme ça. C'est vrai qu'on est un peu sur le vif de sujet, on est un peu excité. Hein. Mais ça, ce n'est pas pour une action. On est excité comme ça parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est ça le titre. On ne peut pas accepter quelque chose qui n'est pas acceptable. Je suis désolé. Moi, quelqu'un qui vient, qui m'agresse chez moi, hein, avec ma famille, mes enfants, il va déchiqueter ma famille. Vous voulez que je fasse quoi? C'est ça, Samir, c'est ça le problème. C'est le message qu'on aimerait quand même que tout le monde se réveille. Puis tout le monde, il ne faut pas louper les dates. Il faudrait voir qu'est-ce qui s'est passé en Égypte après donc la chute de Moubarak. Je dis bien Moubarak, mais pas le système Moubarak, malheureusement. Hein? Et ça, donc ça a été prouvé ces jours-ci que Moubarak, il existe toujours, ses ordres aussi, ses hommes aussi. Donc voilà, je suis en train de dire à travers donc ce micro qu'il faudrait vraiment qu'on se rappelle des dates. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui est venu après? Et puis, qu'est-ce qu'a fait qu'on est arrivé là aujourd'hui? C'est ça la question qu'il faudrait poser à tout le monde, puis qui se pose. Maintenant, il y a des réseaux sociaux. J'invite tout le monde à contrôler toutes ces informations. Il y a des sites internet, il y a des activistes intermondialistes, il y a beaucoup d'associations qui sont en train d'écrire à l'instant même dans les actualités du Facebook. Suivez les actualités. Et puis, il faut arrêter de dire qu'il y a une guerre civile, comme France 2 nous a rappelé hier que soi-disant Monsieur David Pujadas a dit guerre civile. Monsieur le journaliste, stop, c'est plus une guerre civile. C'est pas une guerre civile. Si vous voulez la mener à une guerre civile, c'est faux, c'est pas ça. Il y avait un processus démocratique. Il y a une personne qu'elle s'est présentée militairement, hein, avec sa casquette, et puis il a annulé tout ça. Il faudrait que cette personne-là assume ce qui se passe maintenant, et puis il faudrait que la couverture médiatique européenne et occidentale, il faudrait qu'elle s'arrête. Ils font dans la désinformation. Ils sont en train de valider, il y a un massacre. Non, en fait, il y a une guerre civile. Non, une guerre civile, c'est entre deux parties. Ça veut dire un pays divisé en deux. En Égypte, c'est faux. Avant, oui, c'est vrai. Mais maintenant, moi, je connais des Égyptiens que je suis donc en ligne avec eux, que je suis. Ils nous ont dit, nous, on était là le 30, contre Morsi. Mais là, on est aux côtés du peuple égyptien. On se pensait pas que c'était comme ça. Ils se sont fait avoir, mais vraiment, on m'a dit, hein. Il y en a pas un, il y en a pas dix, Samir Khouya. On m'a dit qu'on s'est vraiment, ils sont en train de voler notre révolution. C'est pas possible. C'est ce qu'il faut dire, hein. Les médias français sont en train de, surtout quand tu dis France 2 ou TF1 et tout, c'est des médias très lourds, en fait, qui sont regardés par 10, peut-être plus 10 millions de personnes, des fois, dans une soirée. Et donc, c'est vrai que l'impact, il est lourd. Et ils sont en train de faire dans la propagande. Moi, j'ai pas regardé les télés françaises parce que je regarde plus la télé depuis longtemps. Et c'est pour ça, justement, que je regarde pas, parce que je sais que c'est des gros désinformateurs en bonne et due forme. C'est même grave, il faut les dénoncer. Sinon, juste, je voulais te poser une petite question, si tu as ton avis sur ce qui se passe en Égypte. Et on a vu Bli en Tunisie aussi, il y a des dérapages puisqu'il y a des assassinats politiques. Et on a vu Bli. Il y a une partie de l'opposition, Meshiga sûrement, mais il y a une partie de l'opposition, ils ont appelé à à arrêter tout le processus HEDEC, c'est-à-dire il faut dissoudre l'Assemblée constituante qui a été élue pour c'est-à-dire pour la période de transition et tout. Là, ils veulent la dissoudre, ils veulent arrêter tout le processus qui est en train de se faire, recommencer à zéro, etc. Et est-ce que tu penses pas, Bliss, la démarche HEDITA, une certaine opposition, encore une fois, à mon avis, faut pas généraliser, est-ce que la démarche Tahom, c'est pas la même que la démarche Tahedouk égyptien, leader ou une démarche Hakat à destitution, etc., et ils ont en fait ramené un vrai coup d'État. Est-ce que les Tunisiens ne risquent pas aussi d'aller dans le sens le dérapage méchant, soit coup d'État, soit intervention, soit écroulement de tout le processus, soit guerre civile, soit... D'accord. Donc voilà, la lecture des choses, Samer, il faudrait voir une chose. Dans un pays qui se respecte, Samer Khouya, un pays qui revendique qu'il a une justice sociale, d'accord ? Quand il y a donc un fait, hein, un accident, un tremblement de terre, ou un attentat, ou un assassinat, il faudrait ouvrir une enquête. Est-ce que ça a été fait ou pas ? Question. Deuxième des choses, quand on reçoit, donc, soi-disant, il y a, donc, un assassinat, tout de suite, 2 heures après, donc, on a un communiqué que, soi-disant, il faudrait tomber. Vous savez que la lecture, elle est en double, en fait. La première lecture, il faudrait stopper tout, ouvrir une enquête et puis désigner le responsable. Deuxième élément, appeler tout de suite à dissoudre un gouvernement parce qu'il y avait un assassinat, il faudrait que cet appel, il va se mettre automatiquement en doute, hein, avec un lien avec l'assassinat. C'est comme ça, la lecture. On prend l'exemple aux États-Unis et puis en Russie, les assassinats politiques pendant la guerre froide. Assassinat, abattement tout de suite, la Russie, assassinat, abattement, c'est les États-Unis, puis c'était une guerre froide, ça a commencé comme ça. À ceux qui lisent pas l'histoire, il faudrait revenir une petite révision là-dessus, vous verrez les scénarios. On a eu ce scénario en Algérie. Franchement, j'étais en Algérie quand on avait le simple flic de circulation. Hein? Celui, comme on disait, l'ange de tout le monde, hein, celui qui était aimé par tout le monde, assassiné, qui c'est les islamistes. On est tombé dans ce piège-là. Mmh. Et c'est avéré qu'il n'y avait même pas une enquête, il n'y avait même pas de jugement. Donc c'est pas possible. Dans un pays de droit, hein, il faudrait qu'il y ait donc une justice, hein, pas arbitraire, une justice neutre, un pouvoir séparé qui va désigner le responsable. Il ne faut pas mélanger maintenant les cartes. Soit disons, donc, admettons que demain, donc, on va assassiner un frère musulman et puis un salafiste, on va dire quoi ? Il faudrait que les salafistes passent au pouvoir. Ce jeu est dangereux, je trouve. Mmh. C'est ça ma réponse, elle est claire. D'accord. Là-dessus, il faudrait vraiment une enquête. Dans un pays qui se respecte, il faudrait une enquête, désigner responsable. C'est ça le problème. Donc nous, on juge l'arbitraire et puis c'est les médias et puis les associations qui jugent, qui prennent l'initiative, qui prennent de tout le pays, toute la population en otage par un fait isolé, parce que pour moi c'est un fait isolé, c'est un assassinat. Ma foi, si la personne, elle faisait partie d'une famille, association d'une entreprise ou d'une secte ou je sais pas quoi, ma foi, c'est comme ça. Je suis pas en train d'encourager ça, je suis en train de dire que c'est dommage, c'est ça, c'est dommage. Maintenant, il faudrait voir les choses claires et nettes. Il faut une enquête, il faut ouvrir une enquête pour désigner le responsable, c'est ça. Dans le cas tunisien, ils viennent de révéler l'identité du tueur, en fait. C'est un jeune djihadiste qui est passé par les pays du Moyen-Orient, l'Irak, etc. C'est apparemment celui-là l'assassin présumé jusqu'à ce que l'enquête le finisse. Mais là, il vient de donner son identité. Par contre, ils n'ont pas donné l'identité des commanditaires, et certaines voix disent que les commanditaires peuvent être des États, ce qui est quand même, je pense, très très grave comme situation. Et sinon, une autre petite question, si tu permets, parce que tu es militant quand même politique et tout, sur l'Algérie et sur les élections qui arrivent. Là, il y a des candidats. Hein, et j'étais en train de commenter le communiqué de Jil Jadid. T'arfom Jil Jadid. Oui. T'as Monsieur Djilali Sofiane, et qui racontait un peu les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les élections de 2014, et il fait appel au président, au Galek Bli. Le président doit organiser des élections anticipées d'ici d'ici la fin de l'année 2013. On va pas attendre 2014. Et qu'est-ce que tu en penses, Inter? J'ai dit allez, mon avis, je peux le redire plus tard, mais Inter est axé sur les élections. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut les boycotter? Est-ce que le régime va changer grâce à des élections comme ça? Et si oui, comment ça peut se faire? Et qu'est-ce que tu en penses, Inter? Voilà, Samir. Moi, j'aimerais dire juste, il faut pas donner une fête énorme, hein, une fête de mariage à quelqu'un qui va passer son examen, on va dire, d'embauche, hein. C'est ça la question. Maintenant, je donne cet exemple-là pour expliquer que le problème, c'est qu'en Algérie, on a dit que c'est pas les élections et c'est pas la constitution. Ça, on avait dit, hein, c'est pas ça, c'est pas possible. D'accord? Moi, vous me dites maintenant, donc, voilà, on va changer, donc, radicalement le système, puis après, on appelle à tous les Algériens. Quand je dis tous les Algériens, toutes les forces politiques, tous les courants politiques. Et là, on discute à table, hein. On discute à table et puis on sort avec quelque chose de vierge, hein. D'accord. Maintenant, si on dit, ouais, donc, il y a des élections et puis il y aura des, mais qui c'est qui va garantir ces élections-là? C'est pas possible. Il faudrait arrêter. On peut pas bosser, on peut pas travailler, on peut pas construire quelque chose sur des fondations qui tiennent pas. C'est pas possible. C'est ça le problème en Algérie. La base, on n'a pas de base. On n'a pas de pilier. On n'a rien du tout. Donc, il faut arrêter. Quand on dit trir el djedri, c'est que trir el djedri. C'est ça. Tu peux pas rentrer avec la mafia, hein, dans le principe de la mafia, que tu vas faire de l'humanitaire sous une casquette de la mafia italienne. Un exemple, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais moi, je suis un militant pour vraiment les droits des pauvres, mais donc la hiérarchie, elle descend de la mafia. Il faut arrêter avec ça. Ça marche plus, ça. Il faudrait que le départ de tout le monde, on avait dit en Algérie, où tout le monde pose ses responsabilités, les clés de ses bureaux, des institutions et des militaires, et chacun il retourne à sa place, donc l'armée, donc elle retourne à la caserne, et puis que le civil, c'est le civil qui décide et puis qui donne l'ordre à l'armée, comme dans les pays qui se respectent, ou me dire que Général Taufir et puis cette bande reste toujours au pouvoir, et puis on va organiser des élections, ça marchera jamais. On avait vu que ça marchera jamais, plusieurs fois. Et puis on est en train de perdre du temps. En Algérie, donc pour moi, je m'excuse, hein, Je mets pas en doute de volonté de certains partis nouveaux politiques comme Maghreb, comme le font peut-être, il est bien, mais j'ai dit il est mal placé. Je suis désolé de dire ça, mais ma lecture personnelle, elle est comme ça. Peut-être je me trompe, je dis pas que j'ai raison. Je suis en train de donner mon avis, je suis en train de dire que la vie, elle nous a... Aïd Ahmed, quand on voit Aïd Ahmed, la yadkurou bil khair, le jour, moi je l'ai eu personnellement ici, il m'a dit il faut plus faire confiance. Donc je lui fais confiance, pourquoi? Parce que c'est un chevronné, c'est vieux de la vieille, donc il arrive bien la maison. Allez non, on s'est trompé deux, trois fois, mais non, il faut pas rentrer même les élections. Moi, je vois comme ça la chose, c'est pas possible. Est-ce que le parti politique, il va être autonome? Est-ce qu'il va être libre de ses choix et puis de sa parole? C'est les questions qu'il faudrait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une politique dictée? C'est ça, Samir. Ouais. Je m'excuse, je suis en train de dire, c'est mon avis personnel, parce que je suis l'actualité jour et nuit, hein. Et puis, je vois que, voilà, en Algérie, hélas, c'est pas les élections qui vont sauver le... Non, je suis désolé. Parce que depuis Bouteflika, on a eu combien d'élections? Depuis l'aride processus, hein. Je dis pas la dissolution du FIS, c'est qu'un parti politique. Point barre. Il avait une population pas, pour moi, c'était un parti politique. C'est comme ça. Mais il y avait la FLN, il y avait le plutôt, la deuxième position, le FFS, pardon, et la troisième position, c'était le FLN. On n'a pas respecté. C'est la même chose qui se passe en Égypte maintenant. Si on enlève un président, et puis après, on va dire, on va organiser des votations. Mais attendez, venez d'organiser les votations, ils étaient nets et clairs. Vous allez refaire la même chose, il faut arrêter. À un moment donné, moi j'ai dit, en Algérie, c'est simple et clair. Il faudrait que les responsables soient jugés. Hein. Il faudrait que les disparus, on montre où sont les disparus, hein. Les assassinats, les jugements. Il n'y a pas eu tout ça en Algérie. Il n'y a pas eu tout ça. Avant le Mossaraha, il faudrait le Mossaraha. Mais c'est ça, parce que vous êtes en train de rajouter une autre couche au problème algérien par des prochaines élections. Et puis, on sait que Bouteflika, il ne va pas se présenter. On sait, mais ils sont en train de cuisiner. Il y aura un autre président pour combien? 1, 2, 3 mandats. Et puis, attendez, là, on va s'éloigner des accords d'Évian. Hein, des coups d'État qu'ils ont suivi l'indépendance de l'Algérie, ok? Les relations bilatérales entre la France et l'Algérie, ce qui s'est passé en 5 octobre, il faut le rappeler, hein, il n'y avait pas un parti politique à appeler ça, hein. C'était une révolution populaire algérienne. Il n'y a pas eu de jugement des responsables, on n'a pas désigné les responsabilités de chacun. Après, il y a eu quoi? Il y avait en 92, après il y avait les massacres, la dissinée noire. on ne peut pas dépasser tout ça pour construire quelque chose de neutre. Voyons, mais je suis désolé, Samir, mais je ne suis pas en train de dire. Mais c'est la lecture actuelle de l'Algérie. Ce n'est pas possible, Samir. Moi, je ne peux pas me bagarrer avec quelqu'un, hein, avec mon voisin, je le vire de son chez lui. 5 ans après, je vais dire, écoutez, je vais faire la peinture. Hein. Il va quand même faire la peinture. Écoutez, je vais quand même faire les travaux chez. Non, c'est pas possible. Non, non. Il faut revenir déjà en arrière, hein, désigner les responsabilités, jugement clair et net, classer les deux côtés. Il faudrait que les deux côtés disent c'est bon. Quand je dis les deux côtés, donc les responsables, hein, qu'ils étaient en place, on va dire, hein, selon la constitution algérienne de cette époque-là, et puis le peuple toujours. On peut pas faire une espèce de comédie que soi-disant c'est réglé, on a fait nos salahas, ça a été voté, c'est validé, écoutez, non, non, je suis désolé. Pour moi, je vois la chose comme ça en Algérie. C'est pas une affaire des constitutions, ni non plus une affaire de présidentielle qui vont changer les choses. C'est faux. Moi, je vois comme ça la chose. Voilà. C'est... très bien, c'est très clair, Atexaha. Atexaha, merci beaucoup pour l'appel, Khoya Morad, de Suisse. Merci, merci. Merci à toi, Samir Khouya. Et puis, j'aimerais aussi faire un appel à l'Afsabillah qui va chez Rolo. Si si jamais un jour, hein, je ne suis pas en train de dire que, voilà, si jamais, pour quelque chose comme ça, je serai donc involontaire, Agdaya, l'Algérie, c'est tout. C'est sympa, c'est sympa. Sans merci intérêt. Beaucoup. L'appel est valable pour moi, c'est très sympa. Ça, dit, ça, c'est vrai, il faut essayer de se donner à fond, c'est pour notre pays, c'est clair. Bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Khoya Morad. À très bientôt, Inch'Allah. Merci pour ta contribution. Merci. Bonsoir, Sahar Mdanek. Merci, Morad. Merci, Morad, qui nous appelait donc de Suisse. C'est un Algérien de Suisse et il est aussi militant politique. Et donc, voilà, on a un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum. Bonsoir Samir. Bonsoir Majid. Sahaf Torek, c'est ça. Merci Sahaf Torek, toi aussi. Merci pour l'appel. Bon, pour moi, il est un peu trop tôt. Il est 16h40. On s'est vu à Paris, mais je ne suis plus à Paris maintenant. Majid, je m'en rappelle pas, c'est pas grave. Sinon, je suis content de t'avoir. Et tu m'avais envoyé un petit message là sur Skype pour dire que tu avais une petite mise au point à faire. Vas-y. À aucun oui. Point. Alors, moi, j'étais un petit peu surpris en entendant certains propos concernant les laïcs. Je pense que la personne qui venait de vous appeler de Paris, qui est d'Annaba, faisait un amalgame. Quand elle accuse comme ça les laïcs, ça veut absolument rien dire. On n'accuse pas comme ça à tort. Et puis, elle a été même un petit peu plus loin. Il disait qu'il fallait les impliquer. Et là, c'est très grave de tenir des propos pareils. Donc, moi, la première question que je me pose, déjà, il vit dans un pays qui est laïque. Moi, j'ai horreur de ces personnes-là qui vivent dans des pays laïques et qui militent pour des théocraties dans leur pays d'origine. Je pense pas que la question ait été posée comme ça, mon frère. Je peux te laisser continuer, il n'y a aucun problème, Yanni. Tu as raison, tu as le droit même de penser comme tu veux. Mais la question n'était pas posée comme ça. Il n'était pas question de défendre la théocratie contre la laïcité. C'était pas le sujet, en fait. On n'a pas parlé de ça, en fait. Ce qu'il disait, et tu as le droit de le corriger, à mon avis, c'est, il disait, il y a des laïcs, ils ont soutenu les coups d'État. Et lui, il dénonce ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, intérieur. Tu as le droit de corriger. Il n'y a aucun. Alors, moi, je suis pour la double rupture, hein, que ce soit avec les islamistes, que ce soit avec les militaires. Ça reste mon point de vue. Je ne compare pas l'Algérie à l'Égypte. C'est pas la même période, c'est pas les mêmes moyens de communication. Et aussi, l'Algérie, c'était des élections municipales. Le fils n'a pas été élu. Ils avaient 48%, oui, c'est un grand pourcentage, mais ils n'étaient pas élus. Ils allaient passer au deuxième tour avec le FFS, dans certaines circonscriptions. Donc, ça n'est pas l'Égypte, parce que l'Égypte, c'était des élections présidentielles, il y avait un président, etc. Cela dit... Il y a eu un coup d'État en Égypte, comme oui, il y a eu un coup fait, d'État tout à fait. En Algérie. L'armée, en faisant le coup d'État, elle a fait un petit peu de la récupération. Je ne pense pas que l'armée est intervenu pour sauver le peuple, c'est pas vrai, mais je pense qu'ils se sont intervenus pour voler cette énergie du peuple qui manifestait contre le parti de Morsi, enfin les frères musulmans en général, et ça prouvait que comme quoi finalement les théocraties ça sert absolument à rien, c'est une bande d'incapables qui n'ont même pas un niveau, qui n'ont pas de programme, ils ont juste c'est des marchands de la religion, ils ont même pas un programme économique ou une école, plutôt un programme pour l'éducation ou quelque chose comme ça. Ils viennent, ils nous vendent de la religion, ils nous disent voilà, votez, vous allez au paradis. C'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui s'est passé en Algérie à l'époque. Et moi, je suis tout à fait contre ce genre de marchandage, hein, de la religion. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont donc participé à un coup d'État, en fait, notamment en Égypte, mais aussi en Algérie, puisqu'on l'a vu dans les années 90, qu'il y avait certains partis politiques, certaines personnes qu'on considère civiles, en fait, pour ne pas dire militaires, parce qu'il y a les militaires de l'autre côté. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ces partis politiques se sont fait léser. Pourquoi? Parce que ils avaient cru à une fenêtre de sortie, une porte de sortie, on va dire comme ça. Et puis finalement, l'armée faisait à peu près la même chose que les islamistes. C'était de la récupération qu'ils avaient fait en Algérie les années 90. Et d'ailleurs, quand ils ont récupéré le pouvoir, ils ont écarté tous les laïcs dont vous citez et qui avaient soutenu Enfin, je ne dis pas un coup d'État, ça n'est pas un coup d'État parce qu'encore une fois, c'est des élections législatives. Hein. Donc, il ne s'agit aucunement de coup d'État. C'est un coup d'État militaire, intervention de la force armée pour arrêter un processus électoral, mais c'est électoral démocratique. Ce n'était pas un parti qui allait être porté au pouvoir, c'était un parti, hein. Et en plus, c'est-à-dire qu'il y a un coup d'État juste si le parti était déjà élu, s'il n'était pas encore élu, c'est pas un coup d'État. Ils allaient avoir la majorité à la PN, et ça c'est, oui, ils vont avoir une marge de manœuvre sur les lois, etc., mais encore une fois, ça n'est pas pareil avec un président qui a plus de prérogatives, etc., En Algérie, ce qui s'est passé quand ils ont fait l'arrêt des processus électoraux, c'était un revers parce qu'ils avaient au préalable pacté avec les islamistes. On les a sous-estimés, on leur donnait 20%. Hein. C'était l'armée qui avait pacté avec eux parce que ils avaient peur des démocrates, ils avaient peur des laïcs, ils avaient peur des mouvements berbéristes, etc. Donc la seule solution pour lutter contre ces courants de démocratie, c'était de soutenir les islamistes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pacté. C'était Hachani à l'époque qui avait mené des négociations avec l'armée. Et puis on les a sous-estimés. Ils ont eu 48 au lieu de 20. Et là, ils ont fait un arrêt du processus électoral. Voilà ce qui s'est passé en Algérie. Donc on peut pas comparer comme ça avec l'Égypte. Ça pas du tout la même chose. Je pense que quand on va sur Wikipédia et qu'on regarde ce que veut dire un coup d'État militaire, bah, encore une fois, Wikipédia, je pense qu'on peut trouver des gens qui, peux remplir Wikipédia, il sera validé plus tard. Hein. Wikipédia, c'est quoi? C'est une sorte de base de données où tout le monde, moi, toi et puis même les autres, peuvent modifier des choses. Hein. Donc, je sais ce que c'est que Wikipédia. Mais en guillemets, ça n'est pas quelque chose de crédible. Wikipédia n'est pas quelque chose de crédible, je ne sais pas. Pour moi, je pense que dans Wikipédia, on peut trouver beaucoup de choses qui sont crédibles, mais comme c'est un truc participatif, donc on peut aussi trouver des choses qui sont erronées, effectivement. Mais en général, dans Wikipédia, tu prends un mot qui s'appelle coup d'État, tu trouves les définitions de base, hein, c'est-à-dire celles que Al-Ma'moul Biha Alami. Alors, un coup d'État par définition, c'est ce qui s'est passé en 65, le putsch de Boumediene contre un président. Ça, c'est un coup d'État. En Algérie, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un coup d'État. Voilà. D'accord, ça reste mon point de vue. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux contester. Hein, ça ne me dérange aucunement. Non, les gens qui écoutent, par exemple, chacun se fait son idée. Il n'y a aucun problème. Oui, tout à fait. Sinon, justement, tu voulais corriger le fait qu'on ait dit qu'il y a des laïcs, des partis qui se réclament de la laïcité, qui sont réellement laïcs. Est-ce que c'est pas le sujet en fait? C'est-à-dire même le sujet lui-même de la laïcité, c'est pas le sujet en fait. Non, il disait. Bon, moi, j'ai entendu tout à l'heure. Il y a des gens qui ont signé contre la laïcité. Moi, je pense que la seule chose qui peut nous sortir de la crise, c'est justement la laïcité. Non, juste entre parenthèses, il disait que c'était une pensée occidentale, alors que c'est complètement faux. Le père fondateur de la laïcité, c'est Averroès, c'est Ibn Rushd, et c'est un musulman, c'est un savant musulman. Très bien, hein. Mais c'est pas notre sujet, Yaya. Ça dire, on n'est pas là pour défendre soit la laïcité, soit l'islamisme. Parce qu'il disait que c'était occidental. Non, c'est musulman, et quand on milite pour la laïcité, c'est une réhabilitation, c'est pas une imitation de l'Occident. C'est faux. Tu veux parler de la laïcité intérieure, Aya? Il m'a un petit peu énervé. Non, mais il faut être un peu rationnel. Il faut être un peu rationnel et ne pas, en fait, c'est vrai, c'est très passionnant ces sujets. Moi, je suis d'accord. Moi, je t'aurais écouté un bon moment sur là, c'est quoi la laïcité, c'est quoi l'islamisme, c'est quoi la théocratie, etc. C'est bien. Mais le sujet, Tana, c'est que sur un coup d'État militaire contre une légalité constitutionnelle a été validé par des gens qui se réclament de la laïcité ou des gens qui s'appellent des démocrates. Il n'y a jamais eu d'élection libre, démocratique et transparente. En Égypte. Je vous le dis, je vous le redis, je te le dis parce que je te tutoyais depuis tout à l'heure. Je te dis, ils ont pacté, l'armée a pacté le système, de ce qu'on appelle le système, le régime algérien a pacté avec les islamistes. C'était pour faire face aux islamistes, plutôt aux démocrates, au mouvement berbiste. Tu ne reconnais pas le processus démocratique. Ils ont fait une sorte d'élection de façade, mais c'était complètement faux. C'est aberrant, c'est pathétique. En Égypte, il y a eu des élections que tout le monde a vu, mais elles étaient correctes. En Tunisie, on a vu correct, que... Correct, ça reste entre guillemets, parce que quand même, ils ont pris plusieurs jours avant de communiquer les résultats. Je me pose la question s'il n'y avait pas un lobby américain ou quelque chose comme ça. Alors, l'Europe est restée un petit peu en retrait parce que on sait tous, c'est justement qui le dit, que les États-Unis, etc., sont derrière ce qui se passe maintenant dans le monde des Arabes. Les Américains, c'est eux qui ont créé les talibans à l'époque. Après, maintenant, ils militent contre les terroristes. C'est un peu du n'importe quoi. Je me pose toujours la question si Morsi n'a pas été soutenu par les États-Unis. Il est sorti à partir d'élections contrôlées. Avec l'aval, avec le soutien aussi du Qatar, hein, qui finance ces mouvements islamistes, fondamentalistes, etc. Le Qatar qui reste intouchable parce que apparemment ils reprennent des entreprises en difficulté dans le monde occidental, donc il y a personne. Hein. Ils disent que toujours on n'a pas de preuves contre le Qatar, mais ils le savent tous. Hein. C'est tout le monde qui le sait. Donc tu remets en cause les élections elles-mêmes, tu dis qu'elles sont fausses et qu'elles sont elles sont contrôlées par les Américains et le Qatar. Je ne peux pas me permettre de remettre en cause les élections en Égypte. Je me pose des questions parce qu'il y a eu quand même plusieurs jours pour communiquer les résultats. Mais pourquoi ces élections ont été suivies par des associations de citoyennes et tout, en Tunisie. Apparemment, il y avait des associations qui sont venues d'Europe, etc. Ils nous ont fait une sorte d'élection libre le 10 mai dernier. Absolument pas la même chose. Alors, si tu compares les élections, je pense qu'il y a erreur dans les infos. Non, quand tu me dis si tu compares les élections qui sont surveillées. Mais non, arrêtons. Si tu compares les élections qui se sont produites en Égypte récemment et les élections qui se sont produites en Tunisie récemment avec les élections algériennes, je pense que tu as une grande lacune en termes d'information. Ce n'est absolument pas la même chose. Les conditions dans lesquelles elles sont organisées ne sont pas pareilles. Il y avait des associations qui avaient surveillé, je te dis, ça ne veut rien dire. Ok, voilà. Tu ne reconnais pas donc les élections qui viennent de se produire en Tunisie et en Égypte, et tu ne considères pas que c'est un coup d'État. Pardon ? Quand on fera un vote électronique à ce moment-là, peut-être ça va être crédible. Peut-être. Ah bon, donc il n'y a plus de solution avant d'avoir un vote électronique dans les pays arabes. Oui, pourquoi pas, c'est une préconisation d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Ok, Atexaha, j'ai vu tout à l'heure que tu voulais faire cette précision, Khoya. Y a pas de problème. Si tu veux préciser encore plus, Marhababik, quand tu veux, de toute façon. Et, merci. C'est moi qui te remercie, de toute façon, pour l'appel. Et puis, n'hésite pas à appeler une prochaine fois si tu veux intervenir. J'ai découvert la radio, enfin, je me rappelle quand j'étais étudiant à Alger, sur les vidéos sur YouTube, etc. Mais je n'étais pas au courant sur la radio. Maintenant, je la découvre. J'ai déjà écouté la dernière fois et puis aujourd'hui j'ai intervenu. Bah, moi ça m'intéresse que des gens comme toi interviennent. Très bien. Voilà. Ok, Samir, bonne soirée alors et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Merci pour l'invitation. Allez, salut. Merci. On va prendre un autre appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba bik, Khoya. Et Aïchka Samir, اسمح لي برك في لا راديو دقيقه. Voilà, c'est bon. Très bien. واش راك خويا Samir? Ça va alhamdoulillah, وانت bien. Et Aïchka, ça va très très bien, juste un peu plein à cause du iftar. Ah oui, oui, oui, والله la bassine elle est pleine, tu vois, donc ouais. والله j'ai pris un petit peu d'eau haka, je suis حليب et c'est tout. D'accord, صحه عليك. Merci. Et donc sur notre sujet, ton avis? Oui, donc avant tout, je dis bonsoir à tous les auditeurs. Saha Ramadan kum, saha Iftar kum. Pour ceux qui ne le font pas, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, Samir, concernant les sujets, il reste combien? 5 minutes? C'est pas beaucoup, exactement. Désolé. Il faut résumer, mais ton point de vue est important. Je vais y aller rapidement. Donc, je suis pas du tout d'accord avec le jeune qui a intervenu juste avant. Mm-hmm. Donc, et je ferai une prochaine fois une intervention en malabèche vidéo là, parce que je suis un peu feignant. Ou l'engine n'adore la radio tech pour un peu. Quand tu veux, Inch'Allah. Parce que quand on parle de Hitler, on croit que c'est lui qui a créé le national-socialisme, par exemple, alors que c'est pas lui qui l'a théorisé, c'est Schopenhauer. Mmh. Tu vois? Mmh. Donc, c'est des gens qui parlent un peu quand ils parlent de la cité, islamisme et tout ça, ils mélangent. Les sources historiques, les bases de l'idéologie. C'est un autre sujet, mais je vais pas le faire. Donc, concernant rapidement l'Égypte, donc, Anna, je vais donner mon avis là-dessus. Donc, concernant les élections qu'il y a eu après Thawra, Win Tlamorsi comme étant président de l'Égypte, Anna, je dis que Tsma, il a été démocratiquement élu. Contrairement à la personne qui était juste avant, parce que c'est le seul Ismet l'intervention, je viens juste de me connecter. Donc, contrairement à la personne d'avant, je dis qu'il a été démocratiquement élu. D'accord. C'est donc, vrai, c'est ce que j'ai dit aussi. Voilà. Donc, pour moi, l'erreur de Morsi où il a déconné, parce qu'en politique et surtout dans une période aussi sensible que ça. Dans une expérience aussi neuve et aussi nouvelle pour un pays qui vient de se libérer du joug de la tyrannie, une sorte de tyrannie qui ne dit pas son nom, Al-Mohim. Tout le long de son processus où il a fait une année, il a fait des erreurs catastrophiques. Ouais, des erreurs catastrophiques l'ont complètement submergé. Ou l'une des erreurs, ils pouvaient tous permettre ça, juste celle-là, Brak. C'est cette erreur qui lui a destitué le pouvoir. Qui a hakim dstour, où il l'a modelé par lui-même, sans vote populaire, sans vote de l'Assemblée, sans rien du tout, il l'a modelé à la sauce des frères musulmans. Hadi, c'était l'erreur fatale. Donc là, il a ouvert toutes les portes de l'enfer. Donc, il a tendu la main pour se faire battre. Voilà. L'opposition, qui est le وهو كي ريكلامي لا لا لا لا لا لا لا ليغاليتي تاعو في الحكم عنده الحق tu vois هذه هو الباراديغم اللي وصلنا ليه سي كي دانك وانا باش نقول لك يعني باش اون فالي اون va agrandir le cercle encore et pas le rétrécir comme certains raisonnent par le contraire. On va au niveau de l'international. Au niveau de l'international, pour moi, que ce soit les militaires ou là, que ce soit les frères musulmans, parce que c'est une confrérie internationale, ou qu'on va parler plus profondément, ça va prendre énormément de temps. D'accord ? Donc, je ne veux pas entrer dans les détails. On va entrer une prochaine fois. Il n'y a aucun souci. Ça serait bien. Donc, voilà. Donc, les frères musulmans, c'est une confrérie, c'est international. Et les militaires... ils se font verser 2 milliards de dollars chaque année par les Américains. D'accord ? C'est deux joueurs, ce sont deux joueurs qui ont un même sponsor, c'est les USA. C'est la chose. Donc, ils disent à eux ou à l'autre, ils disent à les militaires ou à le parti. Je ne parle pas du peuple, attention, ils disent à Morsia. Donc, تما عندهم كما يقولوها leur borne idéologique et تساعدهم العقليه هذه صح on sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est vrai, on dit bien que les frères musulmans sont très proches de l'administration américaine, mais à ton avis qu'est-ce que c'est l'histoire des frères musulmans qui est comme ça? Mais sinon qu'est-ce qui à ton avis qu'est-ce qui a fait changer la position des Américains par rapport aux frères musulmans puisque ils ont laissé faire, etc. Puisque les frères... Allô, oui, tu m'entends, Roya? Tu m'entends? Oui, donc, oui, j'ai compris ta question. Donc, femme touche, habit goul, yani, wushiya l'haja, les Américains. Ils rayent le jeu. Ils tournent la face, Donc, qu'est-ce que la théorie, pour moi, qui est pour moi, je précise, qui est un grand chercheur dans le domaine de la stratégie et de la géopolitique, qui s'appelle Anis al-Naqash. Je ne sais pas si tu connais Anis al-Naqash, il a une très très grande histoire, parce qu'il était avec Carlos, et c'est un Libanais de mère sunnite et de maman chiite, et qui était avec le mouvement de libération des émancipations du peuple avec le LLPD de Carlos et tout ça, et Ilrich Ramirez, je sais pas si tu connais ce personnage. Ouais, et donc lui, qui c'est avec lui donc qui a fait l'attentat contre l'OPEP et tout ça, où le ministre saoudien a été assassiné et tout ça. Donc c'est un bonhomme qui a un passé la résistance, il est très chargé, c'est pas n'importe qui, tu vois, qui a fait 8 ans de prison en France. Donc la théorie de cette personne dit que c'est un docteur en économie, il a une licence en géostratégie, il m'a imkhlena. Où je galek galek belli les Américains voulait faire monter un courant islamique pour le voir échouer, et dans le sens où qu'il soit un modèle pour tous les autres populations arabes qui espèrent que demain, s'il y aurait une révolution ou là des élections libres ou la haja, c'est qui est un parti islamique qui monte, qui prenne le pouvoir, et qui serait en lui-même la solution. Donc, Habouch, Roll, Lidero, il fouche le balou, qu'il mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait, je veux dire, c'est-à-dire à partir de quand? Ken, par exemple, il y a des gens, ils m'ont dit dans l'analyse et tout que Morsi, quand il s'était mis contre Bachar el-Assad et qu'il a retiré son ambassade, c'est là où les Américains et tout ont décidé de lui faire un coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses? je pense que tu, bien que tu connais ma position sur sur Hezbollah l'arabie ou Bachar el-Assad et la résistance et le Hezbollah, tu connais très bien ma j'ai pas envie de m'approfondir là-dessus, on le fera un autre jour. Cette fois-ci, oui, voilà. Si tu donc, l'avais déjà fait avant, mais on peut revenir à ça plus en détail, ça sera un sujet intéressant. Inch'Allah, oui. Donc, alors ce que je dis, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que il y a du faux et du vrai. Si on peut voir, si on peut voir la chose d'une manière hétéroclite, comme on dit. Donc, tu sais que Bachar el-Assad actuellement est en train de gagner la guerre qu'on lui a imposée sur la Syrie. Donc, il est en train de récupérer du terrain. Donc tous les acteurs, comme par exemple l'émir du Qatar, comme Erdogan et tout ça, tous ces acteurs qui ont participé d'une manière ou d'une autre à essayer d'affaiblir le régime de Bachar ou à essayer de le faire valser et tomber, et qui n'ont pas réussi au bout de 2 ans, parce que il y a une réunion qui a eu avec Detlef Milis aux États-Unis, et la Turquie, le Qatar et une frange des frères musulmans se sont mis d'accord pour s'entraider pour le Mohamed, c'est un long programme. Donc toutes ces personnes qui ont participé à ce projet avaient un certain délai pour finir le boulot. Tu vois pourquoi ? Parce que il y a les États-Unis qui vont se retirer d'Afghanistan en 2014. Ils ne veulent pas se retirer. Ils ne veulent pas se retirer. Ils veulent garder une main prise sur l'Afghanistan parce que tu sais, il va y avoir un pipeline. Plutôt une voie ferrée qui va se créer entre la Chine et la Syrie. Il y a un pipeline qui va venir de la mer Morte à travers l'Irak et la Syrie pour desservir le pétrole iranien, le pétrole qui se trouve autour de la mer Morte, la mer Caspienne, et qui vient du Kazakhstan et tout ça. À travers la Méditerranée, c'est-à-dire que 70%, voire jusqu'à 80% du trafic qui passe à travers le détroit d'Ormuz va s'arrêter, et le plus grand perdant dans cette histoire, ça sera l'Arabie Saoudite. Et comme l'Arabie Saoudite aussi avait comme projet de faire de passer ce pipeline, mais jusqu'à travers la Jordanie, je parle du Émirat et de l'Arabie Saoudite. Donc l'enjeu, il est géopolitique. Il voulait faire traverser, mais avec la mer Rouge, le Canal de Suez. Donc le débit des bateaux ne peut pas être aussi important que celui du passage de détroit d'Ormuz. Donc eux, l'Arabie Saoudite et le Qatar, très brièvement, très rapidement, toute cette guerre qu'il y a eu sur la Syrie, c'est pour ce projet de pipeline, pour qu'ils puissent atteindre la Méditerranée. En plus, ils ont découvert de très grands gisements au niveau de très très grands gisements de gaz et de pétrole Israël, le Liban et la Syrie, au niveau de la mer, je parle. Toute cette opération, toute cette pression, c'est à cause de ces deux enjeux-là. Mais Morsi était quand même dans leur logique à eux. Pourquoi ils se retournent contre lui ? Il se retourne contre lui parce qu'il n'a pas su réaliser leur objectif stratégique par incompétence. Parce qu'ils n'ont pas, assez de présence au niveau de Kfeshi Gouloa. Parce que en termes de quantité, ils n'ont pas de présence comme les Saoudiens, par exemple. Alors que les militaires, Ousmane, لي ميليتير كيما في وقت جمال مش كيما في وقت واسمو مبارك تم il y avait une présence une organisation qui pouvait avec les militaires égyptiens dû au, aux accords de camp de David et tout, qui pouvait servir là il y avait voilà le terme exact c'est qu'il y avait une logistique voilà il y avait une logistique adéquate une bonne organisation pour que les Américains puissent acquérir leurs intérêts stratégiques dans la région alors que Morsi n'a pas cette cette sphère suffisante. D'accord. Okay. Non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Bien. Non, c'est bien de le situer sur les enjeux internationaux. Ce qui se passe après, c'est chacun. Il faut avoir les infos. Bah, chacun, il pense comme il veut. Juste vite fait, parce qu'on a dépassé l'heure. Juste vite fait. Est-ce que tu restes optimiste pour le cas égyptien ou là, il y a de quoi s'alarmer? Je pense très très très franchement, Samir, que ça va très mal se terminer. Ou ben, on souhaite pas ça à nos frères, qui qu'ils soient, parce que karhanam dem, karhanam l'qtila, tu vois, ça fait mal. Même ce qu'on voit en Syrie, je veux dire, c'est halal pour les uns ou haram pour les autres, tu vois, c'est un peu dégueulasse de faire de la bourse haka sanglante, fantni. On en a marre de voir que ça soit nos frères en Syrie ou que ça soit nos frères en Égypte ou que ça il faut arrêter tout ça, il faut que tout le monde, il faut que tous les responsables arabes arrêtent de se faire cette putain de guéguerre, excuse-moi là l'expression, et qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on parle de notre avenir. Et de comment intérêts. On pourrait construire une nation arabe solide, mais que ça soit avec les dictateurs ou pas avec les dictateurs. Des gens qui se mettent aux dictateurs, moi je dis dictateurs, c'est des leaders. Et ils peuvent, avec des présidents démocratiquement élus, se réunir autour d'une table et arriver à ce qu'on ait un meilleur avenir. Mmh. Au lieu de que Morsi par exemple il yahkem les chiouks تاع الوهابيه هذو اللي جايين من السعوديه ويجيبهم لمصر ويقول لهم اعلنوا الجهاد على سوريا وكساسوا السوريين يقتلوا في الاخرين ولا هذيك سي با بيان سي با كوم سا كون في لا بوليتيك سي با كوم سا فهمتني سي با كوم هكا اون ان تران دو سو ديتروير انتيريورمون قاعدين نقتلوا في بعضنا يفو كو لي زوبوزون تاني هادو اللي عندهم اللي يشوفوا غير اللي عندهم لا لوجيك بينار يشوفوا لو نوار اي لو بلون فهمت اي بي كي بويس كي بويس ان بو سورتير دو سيت لوجيك اي كومبروندر كو لا بوليتيك سي با نوار اي بلون. C'est des négociations, c'est des échanges, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne formule. Et concernant, juste pour finir, Anna, je pense qu'en Égypte, ça va très très mal se passer à cause de cette mentalité merdique qu'on a, excuse-moi l'expression. Et concernant l'Algérie, donc je pense que pour comparer le cas algérien à ce qui se passe actuellement, parce que le cas algérien, c'était vers la sortie de la guerre froide et tout ça, il y avait d'autres enjeux. Et d'autres façons de voir les choses. Très très bien, non, c'est très bien. Merci beaucoup, Khoya Mouloud, c'est ça. Exactement. Parce que c'est pas, tu n'as pas mis ton pseudo, ton vrai prénom sur le truc, et à force, moi, j'en vois passer en écoutant. Mais sinon, c'est bon, non, il faut quand même. Sinon, Atexaha, merci beaucoup pour les précisions, pour ton commentaire, ton point de vue. Et puis, j'espère qu'on recommencera très bientôt avec d'autres sujets ou là avec ce sujet-là. Merci beaucoup, Ntazada, Saharam Dankum, et merci pour la plateforme que tu nous donnes pour Hadi. Je te remercie beaucoup, Inch'Allah, et au plaisir de te voir le samedi prochain. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci, Bislama. À très bientôt, Sahi. Saha. Merci, Mouloud, pour l'appel. Nous arrivons à la fin de l'émission, Khawti. Donc ساعة راهي 11 و 10 دقائق هنا في فرنسا في باريس وراهي 10 و 10 دقائق في الجزائر. نتمنى يعني انكم استفدتوا شويه من تدخلات الناس. Moi je trouve ça intéressant de confronter les points de vue. Je remercie tous les gens qui ont appelé. Nous avons parlé aujourd'hui ce soir d'Égypte, de Tunisie, d'Algérie, de ce qui se passe. Comme tous les samedis soirs à la الساعة 8 بتوقيت الجزائر او 9 بتوقيت فرنسا نديروا un live avec les auditeurs. Les gens ils peuvent appeler par Skype pour intervenir et nous faisons ça en direct. نديروها direct. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin. Encore une fois, merci à ceux qui sont intervenus. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Aina ma kuntum huna aw hunaka. Bonsoir à tout le monde. Sahar ftorkom, sahar ramadankom. Tahlaw, tahlaw fi rwahtikom, fi la famille, fi lwaldin, w tahlaw fi lbled. Salam alaykoum, bonsoir sur Radio Hachicha. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت.